Mais donc aujourd'hui, nous recevons donc Sylvie April, qui est professeure d'histoire contemporaine à l'université de Lille 3 et grande spécialiste de l'exil tout court, de l'exil au XIXe siècle en particulier, et encore plus particulièrement de l'exil des Français. Au XIXe siècle, donc je vous rappelle pour ceux qui ne le connaîtraient pas, donc son ouvrage Le siècle des exilés, banni et proscrit de 1789 à la Commune, donc est paru aux éditions du CNRS en 2010, oui 2010, absolument. Donc et qui va nous parler aujourd'hui donc des territoires de l'exil français. Merci Stéphane. Je vais effectivement donc vous présenter mes recherches plutôt que cet ouvrage peut-être particulièrement, parce que je pense qu'au cours d'un séminaire, il est intéressant surtout de répondre un peu à une commande intellectuelle. La commande intellectuelle, telle que je l'ai comprise, était de partir, bien sûr, de mes recherches et plus particulièrement donc du cœur de ces recherches qui portent sur la proscription sous le Second Empire, hein, qui sera vraiment plus privilégié dans mon exposé, je m'en expliquerai si possible, et puis de mettre cette recherche en perspective avec votre séminaire, hein, qui est placé donc sous ce signe du global, et de voir, donc vous présenter, je le ferai en deux temps en fait cette intervention, donc tout d'abord vous présenter mes travaux et leur relation au territoire, aux espaces, et à toute une série de définitions, de palettes aussi, de ces définitions des espaces perçus, vécus, imaginés par et produits aussi par ces exilés, mais aussi donc d'essayer de relire cette recherche qui a une dizaine d'années maintenant dans son émergence et sa construction par rapport à cette nouveauté en quelque sorte du global, du moins dans la recherche française, et de voir à la fois combien j'en suis éloignée d'une certaine manière, et comment elle est totalement intégrée aussi à cette recherche, sachant que le politique, entre guillemets, pour l'instant est assez peu présent dans ses études sur le global, que l'on lit très souvent uniquement en ce moment en France, hein, soit d'un point de vue très programmatique, c'est-à-dire qu'on théorise sur le global. Il y a beaucoup de travaux sur la théorisation autour du global, j'y reviendrai, ce qui entraîne d'ailleurs des conflits d'interprétation, mais assez peu de production véritablement sur cette thématique. Et lorsqu'elles sont faites, elles entrent surtout dans les cadres produits déjà à l'étranger, qui sont donc ceux d'une histoire de longue durée, de l'économie, de la santé, on a une espèce de décalque un petit peu de ce qui se fait un peu à l'étranger, et avec une plus grande liberté d'ailleurs que le cadre qui a l'air un peu strictement introduit en France, où finalement ne joue sur le global que l'éloignement, d'où les rapports à l'histoire coloniale, impériale, ou à des thématiques sur la longue durée. Voilà, donc je m'en expliquerai, mais tout d'abord, bien sûr, pour que je vous présente un petit peu plus en détail, tout d'abord, donc, mes recherches. Donc, mes recherches sur l'exil ont commencé il y a à peu près, oui, une bonne dizaine d'années. À l'époque, donc, on ne parlait pas de global, encore, enfin, pas plus de transnational, mais qui existait déjà certainement dans certains travaux anglo-saxons, mais c'est vrai que je n'ai pas fait de recherche, mais enfin, pas les termes qu'on employait, mais des concepts et des réflexions parallèles étaient déjà largement exploités et questionnés autour des questions de circulation, de réseau, qui s'appuyaient aussi sur des réflexions sur les sociabilités qui étaient encore plus anciennes. On parlait beaucoup déjà de transferts culturels, de comparaisons, et de ce mix-là est sorti aussi tout ce qui a trait à l'histoire croisée qui a ensuite été développée. Je parle là de travaux d'historiens. Parallèlement, les travaux sur l'extra-européen sur les relations et les circulations était bien mieux enclenché dans d'autres domaines, et Stéphane Dufoy est là pour en témoigner, puisque je me suis appuyée sur ses travaux en sciences politiques, sur l'exopolitique en partie, pour non pas les imiter, mais au moins essayer de voir comment on pouvait les questionner dans un environnement qui était un environnement d'histoire politique, j'allais dire quasiment traditionnel. Donc j'ai puisé ailleurs, vers les littéraires, puisque de toute façon les transferts culturels venaient de la philologie et de la littérature. Michael Werner et Michel Espagne ne sont pas non plus des historiens, donc regard vers la sociologie, puisant vers la sociologie, vers également la littérature pure, et puis croisant aussi donc bien sûr des histoires nouvelles et des histoires anciennes, histoire ancienne, c'est-à-dire donc des modalités de faire de l'histoire plus ancienne, celle de l'histoire des organisations politiques, qui à ce moment-là commençaient à être malmenées par le tout culturel que nous connaissons en histoire, et puis des champs aussi, des concepts plus récents, histoire du genre. Parce que ces exilés pouvaient être aussi des femmes, mais soudain ça prenait quand même aussi une autre dimension. Et puis l'histoire des migrations qui était en pleine explosion à ce moment-là, qui paraît presque s'être réduite maintenant, presque dans le champ des praticiens qui étaient peu nombreux, qui finalement sont peut-être pas plus nombreux maintenant, et cette génération s'est tournée vers d'autres choses. C'est assez étonnant d'ailleurs. Donc il y avait tous les apports possibles donc pour essayer de faire du neuf avec un sujet d'histoire qui n'était pas un sujet complètement neuf non plus. Il y avait déjà des travaux sur l'exil, mais bien sûr plus souvent sur l'exil en France, puisque la France se vit plutôt comme un pays qui accueille qu'un pays qui exporterait ses populations, ce qui est vérifié par l'histoire quantitative qu'on peut connaître. Mais donc une histoire qui se faisait généralement donc par quelques acteurs, par quelques controverses, pourrait-on dire, sur les rapports qu'entretenaient les Français, par exemple, avec la création de la Première Internationale. Enfin, c'était surtout autour de cette thématique-là que l'on pouvait donc retrouver cette question donc de l'exil français, sauf à étudier Victor Hugo ou Edgar Quinet de façon un peu approfondie. Voilà, donc globalement et schématiquement un petit peu où on était à la recherche quand je me suis lancée donc dans ce travail. Et mon idée, donc, tout en n'étant pas du tout donc, déjà dans ce monde de la globalisation, de la mondialisation, c'était de ne pas travailler sur un pays d'exil, d'abord parce qu'il y avait déjà des travaux aussi qui avaient été quand même un peu menés, de ne pas travailler sur un pays, de ne pas travailler sur un groupe d'hommes en particulier, mais de travailler justement sur ces circulations, sur ces transferts, sur ces effets retours déjà, d'une certaine manière, j'y reviendrai, et surtout de travailler au départ donc sur les questions de temporalité et d'espace, et de voir donc comment ces exilés pensaient et étaient confrontés donc à ces nouveaux espaces et ces nouveaux donc temporalités qui étaient celles donc de l'exil. Donc une histoire forcément hors du national, qui se voulait à ce moment-là aussi nettement séparée d'une histoire de la déportation, de la transportation, qui était aussi en train de se mettre en place, mais qui n'était pas à mon sens la même, même si bien sûr il y a des points de contact, ne serait-ce que parce que parfois, et c'est le cas d'un certain nombre d'exilés, c'est en s'évadant d'un lieu de transportation ou de prison que l'on devient... Mais c'était surtout de travailler sur cette circulation en me disant que je ne voulais pas figer cette situation, l'avoir sur la durée aussi. Alors une durée qui peut apparaître courte, puisqu'elle est surtout pour ceux donc des proscrits de 48 et 51, je reviendrai donc d'une vingtaine d'années, mais qui est quand même une durée longue par rapport au fait que généralement on s'intéresse à ces proscrits au moment où ils partent, au moment où ils rentrent, ou au moment où se définit cette première internationale dont ils sont pour les trois quarts complètement absents. Donc, essayer de travailler ces circulations qui ont forcément amené donc à décentrer le regard par rapport à des lieux assez convenus, hein, qui étaient Londres ou qui étaient Genève, et qui donc amenaient à une nouvelle géographie, et une géographie qui n'était plus une géographie, j'allais dire, par aplat de couleurs, hein, simplement donc en cartographiant, en comptabilisant les proscrits. C'est d'ailleurs parfois ce qu'on m'a reproché, c'est-à-dire que je ne passais pas ma vie à compter les proscrits. J'essayais d'expliquer que non, c'était pas forcément la seule chose qui m'intéressait, et qu'en plus les procédures de comptage étaient tout à fait difficiles à mettre en œuvre. Un petit exemple ambigu, parce qu'en fait les proscrits partent en 51, pour la plupart, ils partent en décembre, oui, au coup d'État le 2 décembre, donc ils partent en décembre, à peu près janvier 51. Et les recensements en Grande-Bretagne ont lieu tous les 10 ans, et ils ont lieu toutes les années, donc le recensement britannique avait lieu en 1851. Mais évidemment, au cours de l'année 1851, donc ils ne comptabilisent pas les proscrits français présents, alors qu'ils comptabilisent les étrangers. Et 10 ans plus tard, en 61, la plupart sont partis. Donc, si on veut comptabiliser ces proscrits français, ils n'existent pas dans les recensements britanniques. Alors, on peut les retrouver sur d'autres types, bien sûr, d'entrées plus particulières, mais voilà, c'était l'idée que comptabiliser, ça demande dans ces cas-là, de toute façon, de ne s'intéresser qu'à une situation. C'est-à-dire qu'on peut s'amuser à comptabiliser, mais ça veut dire qu'on approfondit une situation. Je n'ai rien contre, l'idée, si on travaille sur la circulation, on est forcément à des approximations, et justement, si on veut saisir le mouvement, ce mouvement ne peut pas être rendu donc par des chiffres. Voilà. Donc, l'idée était de travailler l'exil, alors avec une terminologie qui est toujours un peu facile, qui est celle d'un laboratoire, mais malgré tout, c'était un petit peu cela que je voulais mettre en évidence, c'est-à-dire voir l'exil comme une pratique politique, et une pratique politique très décriée, puisque pour les Français, finalement, ça n'avait rien produit, pas de présence à l'international, et leur retour ne produisait absolument pas une présence politique forte. Ces exilés de 1848-1851, quand la France redevient une république, eh bien, ce ne sont pas eux du tout qui sont aux commandes politiques, donc un échec, je n'inventais rien là en disant que c'était un échec qui était une évidence, mais bon, pour retravailler cet échec, il fallait le prendre par d'autres biais qui, à mon sens, étaient intéressants à travailler, qui étaient de travailler justement sur ces rapports entre le social et le politique, de voir donc ces Français en exil comme moyen de faire une histoire sociale du politique qui me semblait être un moyen aussi de trouver des modalités de questionnement autres que simplement de rentrer dans une histoire culturello-politique qui pouvait donc être développée. Donc, ces exilés, j'ai essayé surtout donc de comprendre comment ils avaient fonctionné, quel était l'apport de l'exil dans leur vision de la politique française, la politique européenne, mais aussi leur apport, j'allais dire, presque concret dans l'émergence de savoir aussi, de savoir sur l'étranger, et je crois que je suis toujours persuadée que s'il y a des phénomènes de globalisation, ils sont aussi présents par le fait que l'un de ces exilés va devenir l'un des plus grands géographes qui existe, qui est donc Élisée Reclus, et que des personnalités comme celle de Reclus ont été largement façonnées, il n'est pas le seul, donc par ces savoirs nés en exil, construits en exil, par les hasards et les choix aussi qu'il a pu faire. Alors, je vais donc présenter tout cela rapidement, et puis ensuite, j'essaierai de voir avec vous quelques réflexions donc autour de cette question des rapports entre cette histoire de l'exil et la globalisation, en m'appuyant notamment donc sur un certain nombre de réflexions qui sont menées actuellement par des spécialistes anglo-saxons qui travaillent sur la labor history et qui se posent la question de savoir finalement pourquoi cette histoire politique, histoire histoires, des internationales, sont assez peu finalement entrées dans ce jeu de la globalisation. Il y a peu de travaux sur cet ordre-là. Je crois qu'on peut citer peut-être celui de Benedict Anderson, hein, les révoltés, les bannières de la révolte, voilà, la traduction, ouais. qui travaille un peu sur cette question-là. Donc je pense que là, c'est un entrée intéressante. Et puis, il se trouve que Christopher Bailey, hein, qui est donc le pape pour nous, donc, de cette. Enfin, qui est loin la personne qui nous permet d'entrer véritablement dans ce cheminement, a travaillé à partir de recherches faites il y a 10 ans par Miles Taylor sur 1848 et l'Empire, qui sont les moyens de lier la politique en Europe et dans les empires de façon vraiment intelligente et pas simplement d'en faire une espèce de jeu de comment dire, pour pas être désagréable, simplement. Tu peux être désagréable. Oui, je peux être désagréable, non, mais de pas simplement vouloir faire du tout impérial pour faire du tout impérial. Bon. C'est solide et ça construit des choses aussi en effet retour, parce que c'est pas simplement dans un sens. Donc de voir cela, et puis il se trouve qu'il y a un travail qui a été mené par Christopher Bailey donc et Biagini, donc un historien italien spécialiste du Risorgimento. Ils ont fait un colloque qui a donné lieu à un ouvrage, donc qui est un ouvrage assez insatisfaisant par certains côtés, mais intéressant, qui s'appelle Giuseppe Mazzini and the Global, comment on dit, globalize, non, Globalization of Democratic Nationalism. Donc, enfin bref, globalement, c'est la globalisation et Mazzini. Bon, ce qui, pour moi, est forcément intéressant, puisque Mazzini, c'est un exilé, bien sûr, très largement, mais un exilé italien. Donc, pourquoi Bailey s'est emparé de ce personnage de Mazzini, ça m'a turlupiné, pourrait-on dire, et je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire, moi, avec mes exilés, est-ce que je pourrais, comme ça, lancer un grand travail de recherche. Donc, voilà, donc vous allez avoir l'extrême chance de voir quelque chose qui peut-être va complètement faire pchit d'ici une heure, même pour moi, mais je me suis dit que c'était intéressant de lancer des pistes de travail et de réflexion autour, donc, de ces réflexions sur l'inadéquation ou l'adéquation de ces questions. Alors, je reviens quand même exilé pour vous donner quand même quelques éléments concrets de mes recherches. Donc, ces exilés partent essentiellement en exil, donc au lendemain de juin 48, juin 49, qui est aussi une journée politique, qui a moins d'impact évidemment que les journées de juin 1848, qui sont un moment politique important, mais ce qui est intéressant après juin 49, c'est que des chefs politiques sont obligés de partir, comme le Drury-Rollin, hein, et que donc ce sont des chefs qui partent, hein. Donc il y a là une proscription, puisque c'est le terme de l'époque, une proscription qui part volontairement, puisque ce sont des exils volontaires en 48 et en 49. Ce qui change avec 1851, c'est que la proscription, l'exil, devient une peine. Donc là, on entre dans une spécificité de l'époque, qui est que l'exil n'est pas seulement un état, quelque sorte, que l'on se donne volontairement, j'entre en exil, ça n'est pas simplement un lieu ou des lieux où l'on se trouve, c'est aussi une peine, et une peine qui est définie par la loi. Donc, on a toute une gradation des gens qui sont condamnés au lendemain du coup d'État du 2 décembre 1851, et parmi ces peines, il y a des peines de transportation, il y a des peines donc en Algérie, avec plus ou moins, donc si on est enfermé ou pas, Algérie plus, Algérie moins, enfin, il y a toute une codification qui se met en place, codification au sommet duquel se trouve l'exil, puisque l'exil est une peine qui est infligée aux républicains les plus en vue. Donc c'est une peine d'élite en quelque sorte que l'exil. Et qui est souvent donc sont condamnés à l'exil, donc des gens comme Victor Hugo qui effectivement est condamné à l'exil, avec alors une espèce de flou malgré tout sur la durée de la peine. sur son caractère, si on peut commuer cette peine ou non. Bon, tout ça n'est pas complètement vraiment fixé juridiquement. Les termes employés sont souvent flous. Proscrit, banni, réfugié, expulsé, absent, c'est souvent les termes finalement qui sont employés même par l'administration qui est en charge donc de s'en occuper. Terminologie que l'on retrouve bien sûr au moment des grâces, des amnisties, qui sont donc toutes les procédures par lesquelles ces exilés vont revenir, ou par lesquelles ils vont refuser de revenir d'ailleurs, en devenant des exilés volontaires, puisqu'ils ont la capacité de revenir. Donc, à partir des années 1958 surtout, beaucoup de réfugiés, d'exilés vont rentrer à ce moment-là, et les débats vont être assez importants autour de rentrer, pas rentrer. Il y a vraiment quelque chose de très important qui se noue toujours pour les exilés autour de cette question du retour. Tu en as largement parlé. Je n'y ferai que vraiment très très rapidement allusion. Mais c'est vrai que c'est aussi autant le départ que le retour qui souvent donc sont les moments où l'on parle des exilés, où l'exil est, j'allais dire, parlé, c'est-à-dire où il est sujet de controverse, et où il est même l'objet de discours et de discours récurrents. Je me suis pas mal servi aussi de alors, non pas tellement de travaux, parce que là c'était surtout les souvenirs de Tony Negri par exemple, expliquant d'abord la place que tenait pour lui l'exil du 19e siècle dans la construction de son propre exil, pour le dénoncer d'ailleurs, en disant que finalement l'échec de sa situation tenait au fait qu'il avait pensé son exil ou vécu finalement comme un homme du 19e siècle. Bon, moi ça me plaisait évidemment beaucoup ce lien. Mais aussi donc posant lui-même la question du retour et de la prison aussi, c'est-à-dire que ces exilés français refusent bien sûr ce statut de prisonnier en quelque sorte. Il y a cet enjeu-là. Enfin donc au moment où ils partent, puisque soyons chronologiques quand même, donc là ils partent et cette peine évidemment est assez peu partent en exil, c'est assez peu nombreux finalement, et la plupart des exilés volontaires qui s'ajoutent sont des gens qui vont pour la plupart rentrer. Et parmi ces exilés volontaires, il y a des gens qui partent 3 jours à l'étranger, qui vont se cacher 3 jours, qui vont rester un peu plus longtemps, qui vont revenir, qui vont repartir. Donc il y a, si vous voulez, une palette de situations qui est tout à fait large, même si malgré tout, je pense qu'il est important de noter qu'il y a quand même une législation qui a à un moment donné ce terme de peine d'exil, ce qui joue un rôle important. Alors, où vont-ils partir, ces exilés ? Premier territoire, si vous voulez, sur les territoires, j'allais dire, réels. Eh bien, c'est pas très étonnant, d'ailleurs, mais on ne choisit pas un pays, on choisit une proximité. C'est-à-dire qu'ils ne partent ni en Belgique, ni en Suisse, ni en Grande-Bretagne. Ils partent à la frontière. Et ils partent vraiment sur cette frontière avec la découverte pour moi de l'absence de considération autour de cette question de la frontière. Le territoire de l'exil, cette enquête sur le territoire de l'exil m'a montré que cette construction de la frontière, elle était vraiment, j'allais dire, une construction du XXe siècle ou de la fin du XIXe, mais que pour ces personnalités qui avaient l'habitude de passer les frontières, le passage de la frontière, alors qu'on maintenant, c'est quand même, par rapport à l'exil, c'est toujours ce sentiment de passage de la frontière extrêmement douloureux et autre. Là, finalement, le passage de la frontière, c'est pas le moment le plus dramatique généralement, sauf s'il est précédé par la détermination, c'est-à-dire qu'on a un chemin qui est obligatoire, que l'on arrive avec les menottes à la frontière. Donc ça, c'est plus, si vous voulez, la manière de passer cette frontière que la frontière elle-même, qui est pensée comme vraiment quelque chose de tout à fait important. Et à chaque fois, en 19e-iste que je suis, je me reporte toujours à notre Bible qui nous permet toujours de comprendre un petit peu la façon dont les gens pensent les choses en dehors de nos archives. C'est la lecture des articles du Grand Larousse du 19e siècle. Et j'avais été très étonnée de voir que la frontière, l'article que Pierre Larousse et ses collaborateurs consacrent à la frontière, est un article très court, ça ne les intéresse pas. Et Larousse ou les autres, enfin, donc indique simplement frontière, de points, problème de voisinage. Donc c'est vraiment quelque chose qui n'a pas une grande importance et qui ne joue pas émotionnellement, véritablement. On trouve beaucoup de récits de passage de la frontière, mais parce que ce sont des récits rocambolesques. On n'y sent pas du tout le poids de la frontière. La transgression, parce qu'on s'est déguisé en femme, parce qu'on est passé... Il y a des tas de récits, mais qui ne sont pas des récits tels qu'on pourrait s'attendre. Il y a très peu de récits qui correspondent, en quelque sorte, à la violence du passage que l'on retrouverait à l'époque des exilés allemands passant la frontière du Pertus ou autre, enfin la clandestinité du passage, elle est beaucoup moins forte à ce moment-là. Elle tient certainement au fait que les techniques aussi de reconnaissance sont moins importantes et que c'est vrai qu'on peut passer relativement facilement les frontières à ce moment-là peut-être aussi, mais bon, voilà. Donc c'était un étonnement, c'était ce passage facile. Alors ensuite, bien sûr, donc il y a l'installation dans ces pays d'accueil qui sont des pays donc de proximité, hein, avec là aussi une ambivalence, c'est-à-dire qu'à la fois il n'y a pas de statut de l'exilé, hein, on est dans une absence de juridiction, on n'est pas au XXe siècle, il n'y a pas du tout de statut, hein, donc il y a un imaginaire aussi de ce statut, hein, qui est aussi très important, c'est-à-dire que il y a des règles, des lois qui vont se mettre en place, hein, en Belgique on ne peut pas rester si on n'a pas les moyens de financer sa présence, on va aussi interner un certain nombre d'exilés dans des zones beaucoup plus reculées par rapport à la frontière, c'est pareil par rapport à la Suisse, c'est-à-dire que la Suisse va les accueillir, mais va leur interdire de se tenir à plus de 100 ou 200 km de la frontière. Donc on recrée des espaces aussi de distance, hein, à l'intérieur des interdictions d'emploi qui sont importantes. Donc tout ça joue et empêche de rester souvent. Donc ce qui fait que on quitte la Suisse, on quitte la Belgique parce qu'on ne peut pas financièrement se maintenir, parce qu'on a besoin de travailler, qu'on ne peut pas y travailler. Et donc pour la plupart, le départ va se faire donc par étape, une seconde étape qui va se faire vers la Grande-Bretagne qui, elle, se révèle accueillante, mais accueillante avec un imaginaire, je l'ai dit donc, de la situation, puisque pèse autour, au-dessus de ces exilés français, mais aussi les autres, ce qu'on appelle l'Alien Act, c'est-à-dire donc la possibilité que se réserve le gouvernement britannique de réactiver donc cette juridiction, hein, qui donc permet d'arrêter les étrangers, de les expulser. Donc les exilés français vont tout le temps vivre avec cette menace, mais en même temps, menace qui n'est jamais... qui ne donne jamais lieu à une réalité, puisque au XIXe siècle, jamais l'Alien Act a été mis en œuvre. Et ce qui est très étonnant, c'est que par exemple, Herzen, russe, hein, en exil, dit... il n'y a aucune chance qu'on le mette en place. Enfin, c'est-à-dire qu'il y a des exilés qui, eux, comprennent que de toute façon, on ne va jamais exiler qui que ce soit, que c'est pas du tout ça n'intéresse pas les Britanniques, enfin, c'est pas du tout le problème. Bon. Et les Français, eux, sont tout le temps dans cette espèce d'angoisse, hein, mais d'angoisse construite. Hein. C'est pour ça que je crois qu'on est dans des perceptions qui sont aussi importantes, peu importe la réalité juridique, mais je crois que la perception, là, de ce territoire comme un territoire accueillant, mais en même temps que l'on peut être obligé de quitter, est important. D'où les terminologies qui sont utilisées surtout par ces exilés, qui ne sont pas celles donc de l'accueil ou autre, ou de la possibilité de résidence. Il n'y a rien sur la résidence, la possibilité de résidence. C'est un terme d'hospitalité. C'est-à-dire qu'un terme qui est un terme archaïque, finalement, est employé tout le temps, qui est celui de l'hospitalité. Pourquoi archaïque ? Parce que fait référence donc là à toute une terminologie très ancienne qui est celle qui est biblique, hein, qui est chrétienne, c'est-à-dire qu'on doit l'obligation de l'hospitalité aux vagabonds, donc que reprennent à leur compte les exilés, souvent d'ailleurs pour dénoncer l'inhospitalité du gouvernement britannique ou des Britanniques eux-mêmes. Donc on a un discours hospitalité inhospitalité, mais qui ne tient absolument pas compte d'une réglementation politiques, de territoires aussi qui sont souvent différents. Mais qui étaient de l'asile aussi. L'idée de l'asile, voilà, tout à fait de l'asile. On est sur l'asile, voilà, l'asile et pas l'exil. Voilà, donc toute la terminologie autour de l'asile, et avec aussi toujours des personnalités pour dénoncer ces perceptions. C'est-à-dire que Proudhon, par exemple, dit mais qu'est-ce que c'est que ces histoires d'hospitalité ? Enfin, je veux dire, il faut qu'il y ait un jour une réglementation et qu'on, et voilà, et qu'on sache si on peut rester ou pas rester. Mais dire qu'un peuple est inhospitalier, qu'est-ce que ça veut dire ? Enfin, ça ne veut rien dire. Non, mais Proudhon, c'est intéressant. Enfin, donc, Proudhon, c'est intéressant, voilà. Mais voilà, Proudhon, il arrive, et puis personne ne lui demande qui il est. Donc lui, il dit bon, bah, c'est pas, on va pas se poser la question de savoir s'ils sont hospitaliers ou pas hospitaliers, on peut rester ou pas rester, travailler, pas travailler. Mais bon. Donc, on a des discours différents et surtout une espèce de discours quand même assez général qui est toujours celui donc de la des clivages et donc de ces difficultés à se maintenir. Alors, en dehors de ces deux espaces de proximité, hein, qui sont des proximités, j'allais dire, tolérées, mais tolérées souvent pour avec un filtre financier, avec un filtre de notoriété, qui sont la présence en Suisse et en Belgique. Hein, donc on a des clivages aussi sociaux qui sont importants, et qui créent d'ailleurs des hiatus entre les exilés, hein, puisque on sent bien qu'on peut se maintenir si on a les moyens de se maintenir financièrement. Il y a donc le cas britannique, qui lui-même se décline en plusieurs situations, puisqu'il y a Londres, hein, il y a ceux qui vont hors de Londres, alors parfois donc à Glasgow, Manchester, on a de toutes petites communautés, alors là qui sont vraiment des communautés de très très peu de membres, et puis il y a ce gros noyau qui se reconstitue donc dans les îles anglo-normandes, et qui se reconstitue là pour les Français dans une situation un peu particulière, puisque à la fois c'est leur fief avec cet étendard qui est Victor Hugo, et puis en même temps les îles anglo-normandes, Jersey puis Guernesey, jouent aussi un rôle de construction supranationale assez forte, autant comme Londres, mais encore plus forte, puisque là se trouve la presse, hein, le journal donc des exilés européens, qui est L'Homme, qui est un journal qui est écrit en français, comme sous-titre Journal de la République universelle. Donc ce terme d'universel est important aussi, et il y a beaucoup de choses à dire sur ces questions d'universalité, de cosmopolitisme aussi, qui sont tout à fait en jeu dans ces espaces qui ne sont pas des espaces nationaux. Et donc ce journal est dirigé par un Bolognais. Donc, il y a vraiment là, avec ce journal, une volonté de servir une cause européenne, internationale, de façon assez... avec des tensions assez fortes à l'intérieur de ce journal, qui est vraiment une espèce de creuset de toutes les tentatives, un petit peu de réflexion sur tout cela. Alors, en dehors de la Grande-Bretagne, où vont ces exilés ? Alors, on en a un peu partout. Hein. J'en ai même deux, trois qui se promènent en Chine, je ne sais pas très bien pourquoi. Donc là, il y a des gens comme ça qui partent. Enfin, il y a des gens qui partent comme ça au hasard, qui se retrouvent un peu partout. Il y a quand même quelques blocs importants, bien sûr, qui sont vers les États-Unis et vers l'Amérique latine. Et là, on a des décentrements intéressants, comme ceux de tous ceux qui, finalement, d'exilés, deviennent autre chose que des exilés. C'est-à-dire qu'ils n'ont plus cette étiquette-là, si tant est qu'on l'a longtemps, à partir du moment où il faut vivre, survivre, et qu'on n'a pas les moyens forcément de se maintenir comme écrivain, simplement, hein, ce qui permet de rester exilé. Pour tous ces gens qui doivent trouver un autre métier, très souvent, le passage par l'Amérique ou l'Amérique latine donc fournit de nouvelles expériences et produit des séries de savoirs qui sont des savoirs aussi liés à ces nouveaux territoires. Alors, quelques exemples hein, qu'on peut donner. J'ai déjà cité donc Reclus, hein, qui passe donc par Londres, qui passe par l'Irlande et qui passe ensuite donc par les États-Unis et l'Amérique latine, et qui montre bien combien les Français ont faible connaissance, mais c'est pas simplement en termes de simplement stigmatiser cette faible connaissance, de ce qu'est l'esclavage, par exemple. Je crois que la compréhension de la guerre de sécession, de l'esclavage, passe par les découvertes aussi que font un certain nombre de Français des réalités du sud des États-Unis. Puisque ces Français, très souvent, vont s'installer, vont tenter de s'installer donc, dans le sud des États-Unis, notamment parce que c'est là qu'ils retrouvent une autre déterritorialisation politique européenne et surtout française importante, qui est celle des communautés utopiques. Donc, c'est là que se sont installées ces communautés utopiques, généralement, hein, plutôt donc dans le sud des États-Unis. Et donc, elles sont confrontées, ces communautés utopiques, à des réalités sociales, raciales, qu'elles n'envisageaient pas. Et on a une collusion entre donc, ces quelques exilés français et puis ces communautés qui sont installées plutôt dans le Texas, notamment, ou à proximité de la Nouvelle-Orléans. Enfin, bon, donc, il y a des échanges et il y a des circulations qui se font donc entre ces communautés et ces exilés, qui ne sont pas forcément des mêmes bords politiques au départ, avec justement, par exemple, une personnalité assez intéressante qui est celle du frère de Pierre Leroux, qui est Jules Leroux, et qui sont tous les deux donc des gens qui réfléchissent aussi donc à des modalités donc de création de communautés, de modes de vie, de nouveaux espaces aussi du sociaux et politiques, toujours avec des systèmes communautaires assez développés. Donc il y a ces cas de figure là, il y a d'autres cas de figure donc pour Reclus, c'est ce passage par là, puis par l'Amérique centrale aussi, donc qui n'ont pas, font de lui véritablement forcément, il n'y a pas un déterminisme qui font de lui forcément un géographe, mais qui bien sûr sont largement liés donc à ce qu'il a découvert des États-Unis et du capitalisme américain, cette grande salle d'encan, comme il dit, cette grande salle de mise en vente en fait, que sont les États-Unis, et sur lequel il a pas mal écrit. Il y a d'autres situations qui sont des productions aussi de savoir sur le territoire. Il y a quelques personnages, quelques exilés qui partent en Amérique latine. Et c'est vrai que cette importance de l'Amérique latine, je crois qu'on est en train aussi de la redécouvrir beaucoup en France pour le 19e siècle. On l'avait un petit peu mis de côté, elle était négligée pour tout un tas de raisons certainement. Et on retrouve à travers donc, ces trajectoires individuelles combien les Sud-Américains ont appelé, ont voulu faire venir ces Français, avec un espèce de malentendu évidemment extraordinaire qui était que ces Sud-Américains ont généralement voulu faire venir des Européens et des Français, non seulement parce que c'était des gens cultivés, mais surtout parce qu'il y avait l'idée de pouvoir comme ça créer des communautés qui permettraient donc finalement de refouler, voire d'éliminer les communautés indiennes. Ce que ne voient pas, semble-t-il, ces Français qui débarquent et qui participent donc à des tas d'opérations d'éducation, mais aussi donc de conquête et d'exploration qui sont exactement à l'image de ce qu'on trouverait dans d'autres territoires en Afrique ou autres, avec l'appropriation des terres et donc la dépossession des populations locales. Donc on a des gens comme Abbé Déjacques, qui sont des gens, bon, évidemment, beaucoup moins connus, si on était que Reclus, soit quand même un petit peu connus. Donc des gens qui vont jouer un rôle important, ou Alexis Perret, qui sont des gens qui vont jouer un rôle important et qui font partie d'ailleurs maintenant du panthéon sud-américain. C'est-à-dire qu'on a les travaux qu'on a sur ces exilés, on les a en Amérique latine, on en a très très peu en France. Ce sont donc des gens qui, en Uruguay, qui en Argentine, donc, ont participé largement donc, à la construction des identités nationales de ces pays à ce moment-là. Autre savoir important qui passe par ces exilés, et ce qu'on retrouve dans le cadre des migrants au XXe siècle, c'est tout ce qui tourne autour de la photographie. La photographie, ces exilés, souvent n'ayant pas de métier, on revient aux aspects très sociaux, très concrets. J'ai voulu vraiment essayer toujours de relier ces pratiques politiques à des pratiques sociales. Quand vous n'avez pas d'argent, faire de la politique, c'est bien joli, mais il faut quand même trouver un moyen de manger. Donc, quels sont les réseaux que vous pouvez finalement mettre en œuvre? La photographie est en train de naître à ce moment-là. Elle est considérée également comme un acte militant et politique. Hugo fait de la photographie, ça n'est pas un hasard. Adèle Hugo, sa fille, qui retranscrit fidèlement tout ce que, et qui est beaucoup moins stupide qu'on l'imagine, retranscrit fidèlement ce qu'elle entend et ce que dit son père, ses frères, et dit nous faisons la révolution photographique en attendant de faire la vraie révolution. Donc c'est un acte. Victor Hugo envoie Napoléon le Petit, qui est un pamphlet à Napoléon III, il met sa photo dedans. Donc c'est un présent, si vous voulez. C'est une forme d'action aussi. Il veut bombarder de photographies. Il y a des qui pourraient, comme c'est ça, un lâcher de photographies sur, sur la France. Bon, c'est, bon, ça peut paraître très, très illusoire, mais je pense qu'on a, on a quelque chose de fort avec cette présence par la photographie qui naît à ce moment-là. Bref, pas mal d'exilés donc vont, comme ils n'ont pas de métier, devenir photographe, ce qui nécessite un investissement certainement, mais qui aussi ne nécessite pas forcément de connaître la langue. Donc, être photographe sans, bon, ça, c'est pas comme écrire. Bon, c'est, voilà. Et donc, on a pour le Brésil hein, un certain nombre donc de les premiers reportages photographiques qui ont été faits sur le Brésil, les premières photos sur la capoeira ont été faites par des exilés français, Victor Front et l'autre dont le nom ne revient plus. Donc bon, alors ça peut paraître anecdotique, mais je crois que c'est aussi important de voir que cet entre-deux entre le voyage et puis la construction des identités nationales, elle se fait par l'intermédiaire de ces personnages, souvent assez oubliés. Donc il y a toute une circulation qui se fait, qui est une circulation qui n'est pas d'ordre politique, qui est d'ordre du hasard, de social, des demandes, la demande sociale aussi de ce que représente un Français dans tout cela. Alors il y a aussi des circulations politiques, bien sûr, quand même. Elles existent, je ne les ai pas complètement oubliées dans ma recherche, loin de là. Elles sont difficiles parfois à comptabiliser et surtout à réaliser. Toi, tu l'avais tout aussi vu. Enfin, c'est un espace bizarre que l'espace de l'exil. C'est un espace d'attente. C'est un espace où on ressasse beaucoup le passé, où finalement la connaissance du futur, hein, les projections qu'on fait dans le futur sont assez délicates. Donc, on est souvent dans un présent qui est un présent espérant, hein, c'est-à-dire qu'il n'a pas vraiment de réalité. Hein. On n'est pas forcément en train de construire. On peut pas construire une politique au présent. Donc il y a un problème déjà de construction de qu'est-ce qu'on est en train de construire, et généralement on construit des justifications par rapport au passé. On construit aussi du futur, mais du futur qui demande déjà d'avoir dépassé le présent, qui est donc assez compliqué. Et puis on n'a pas de lieu. Alors il y a la presse, bien sûr, mais c'est pas forcément un lieu de débat. Enfin, ça peut l'être avec cette presse, l'homme, mais c'est un petit peu exceptionnel. Et sinon, quels sont les lieux, quels sont les territoires là réellement où on va faire du politique? Et ça, c'est un problème qui m'a semblé toujours important et à prendre vraiment quasiment, j'allais dire, au premier degré. Où est-ce qu'on fait de la politique? Alors, on fait de la politique, au café, mais finalement assez peu. D'abord parce qu'il y a des mouchards. Même si j'ai pu montrer que l'espion, finalement, le mouchard, c'était aussi quelqu'un d'important, parce que c'est la dernière personne qui continue à parler avec les exilés quand vraiment, finalement, plus personne s'intéresse à eux, ou presque. On le fait souvent dans un domicile privé. Hein. Finalement, c'est le salon privé, ce qui nécessite d'avoir de la place aussi. Donc, il y a souvent la demeure privée qui est le lieu du politique, mais enfin, le lieu politique est bien sûr restreint. Il y a les banquets. Et ces banquets politiques, ils sont importants, ils sont des moments de commémoration hein, très forts, donc là où vraiment quelque chose se passe aussi et de supranational, hein, puisque on fête les banquets de la révolution de février 48, mais aussi de la révolution polonaise, donc il y a des toasts qui sont portés. Mais quand on essaie un petit peu de voir comment ça se passe concrètement, de faire un peu d'anthropologie politique, on est très vite, alors on manque tout à fait évidemment d'informations. C'est-à-dire que, est-ce que le fait que les gens soient présents est suffisant pour considérer qu'ils ont fait un acte politique, qu'ils parlent politique? Je me suis souvent appuyée sur des textes qui étaient des textes que j'aime beaucoup de Marx, qui est un pamphlet de Marx qui s'appelle « Les héros de l'exil ». Ou simplement, Marx dit des choses très simples. Il explique que les gens ne se comprennent pas. C'est-à-dire que les gens ne parlent pas la même langue. Donc, il y a des scènes qui sont cocasses, mais qui sont simplement dans leur présence. C'est-à-dire que les gens, il y a des gens qui parlent allemand, il y a des gens qui parlent anglais, il y a des gens qui parlent français. Donc, personne ne s'écoute véritablement dans ces banquets. Alors, est-ce que véritablement, dans ces cas-là, on a parlé politique ensemble? Bon. Il y aurait une anthropologie, bien sûr, à faire, mais les archives ne nous permettent pas, mais on se rend compte qu'il y a souvent, semble-t-il, il y a ce qui se dit, et puis il y a aussi ce qui est imprimé sur les murs et qui souvent est beaucoup plus violent que les paroles qui sont tenues. Donc il y aurait certainement des distances qui créent. Alors en dehors de ces banquets où les gens circulent aussi quand même un peu, il y a un élément important en dehors de l'international où là les Français sont très peu présents, sur lequel j'ai peu travaillé parce que c'était pas la peine, j'allais dire, pour moi de travailler là-dessus parce qu'ils étaient assez peu présents, ce sont les congrès de la paix. Congrès de la paix qui sont un sujet alors, sur lequel je reviendrai peut-être un jour parce que c'est vraiment quelque chose qui est très peu travaillé. Ce sont des congrès qu'on confond généralement avec les premiers congrès de l'international et qui se tiennent souvent à proximité. Donc on a des congrès qui se tiennent d'international qui se tiennent à Berne ou à Lausanne, et donc on a un congrès de la paix qui se tient à Genève, donc on a les gens qui vont de l'un à l'autre, ce sont des militants de l'international qui vont au congrès de la paix où il y a Garibaldi qui arrive, où il y a Victor Hugo, bon, il y a comme ça quelques stars, je pourrais dire, de l'exil qui se présentent, qui repartent généralement très très vite, mais qui sont malgré tout, il y a des textes qui sont publiés, un journal qui se met en place autour de la question des États-Unis d'Europe, mais où il y a des tas de questions concrètes qui sont posées sur l'arbitrage, sur des aspects beaucoup plus, j'allais dire, économiques, sociaux, qui pour l'instant ont toujours été laissés de côté parce qu'on n'y parlait pas foncièrement de politique. Voilà. Donc il y a cette circulation qui se fait, aller ou pas au congrès, bouger ou pas pour aller donc rencontrer. Et là, bon, là, les gens se rencontrent quand même assez clairement, vont aussi, font des détours pour aller voir d'autres proscrits. Donc il y a des lieux comme ça de réunion. Il y a des lieux aussi qui sont des lieux de rencontre, parce que c'est des lieux de proximité de frontières. C'est Spa. Spa, donc ville du jeu, mais qui est aussi un lieu là de réunion, de clandestinité des proscrits. Donc des circulations politiques, mais des circulations politiques dont peut-être les plus intéressantes nous échappent. Je me suis souvent rendu compte qu'il y avait des tas d'échecs qui sont ceux liés à des mouvements où on va chercher de l'argent et où on va chercher des fusils. Mais là, on n'en a quasiment pas la trace. Donc il y a certainement des circulations autres que celles que nous connaissons, mais que nous ne connaissons que parce qu'il y a un policier qui découvre une cache d'armes ou autre, mais on se rend compte que la circulation s'est faite de Londres à Bruxelles, de Bruxelles on a traversé clandestinement la France, s'est retrouvé en Espagne, on espère trouver des moyens financiers et militaires pour lancer une insurrection en France qui évidemment avorte quasiment avant même qu'elle soit mise en place. Donc il y a des circulations politiques, c'est sûr, mais qui souvent sont difficiles à connaître. Dernier espace avant d'essayer de retomber sur la globalisation, c'est bien sûr les espaces qui sont liés à ce que j'ai appelé la grande famille de l'exil, c'est-à-dire au fait que ces exilés s'inscrivent difficilement dans le réel et le présent, ce qui ne minimise pas complètement leur réflexion politique, loin de là, mais qui fait qu'ils sont très souvent portés à se réfugier ou à s'identifier donc à des événements et à des espaces donc passés, voire même très anciens. Et je me suis rendu compte que ces espaces qu'ils valorisaient étaient souvent des espaces qui n'étaient pas des espaces, des territoires réels, mais des territoires donc, dont ils se sentaient les héritiers, et qui étaient des espaces de connivence, pourrait-on dire, plutôt que des espaces donc, du réel. Et notamment, la référence constante à la solitude de l'exilé, bon, qui fait appel donc à une terminologie chrétienne, l'abnée, la solitude, l'exilé sur terre. Bon, donc il y avait tout ce pan, je veux dire, de culture catholique chrétienne qui ressurgissait. Et puis Il y avait aussi des réminiscences, des références par rapport à Ovide, hein, donc les tristes, bon, les regrets du Bellay. Bon, ça peut paraître très scolaire, mais ça crée, si vous voulez, une espèce de territoire commun, hein, qui ne sont pas des territoires réels. Et puis il y avait, alors ça c'est un peu mon leitmotiv, c'est le petit ruisseau de Madame de Staël. Petit ruisseau de Madame de Staël, donc j'aime mieux mon petit ruisseau, dit Madame de Staël, que le lac Léman. Bon, et c'est incroyable parce que tous les exilés, enfin pas tous, mais même des gens qui sont d'une culture, j'allais dire, c'est pas Hugo ou autre, à un moment donné disent ah, moi aussi j'aime mieux mon petit ruisseau que. Bon. Et à un moment donné, je me suis dit, enfin bon, c'est quand même assez. Et je me suis rendu compte que Larousse, hein, toujours donc le retour vers Larousse, et même par Larousse, l'article ruisseau du grand Larousse du 19e siècle, fait des trois lignes sur l'hydrographie et fait une colonne entière sur le petit ruisseau de Madame de Staël. Donc je me suis dit, bon, c'est pas très intéressant en soi, mais ça veut dire quelque chose. Ça veut dire quelque chose par rapport à cette nostalgie et surtout cette matérialité que l'on donne soudain avec cet exemple-là, bon, que l'on retrouve aussi dans un poème de Baudelaire, Le Cygne, qui est adressé à Victor Hugo et qui fait référence. Le petit ruisseau, c'est Madame de Staël, mais c'est aussi Andromaque, le Simoïs, enfin bon. Donc c'est, et bizarrement, d'ailleurs, ce sont des figures féminines, alors qu'il y a très très peu de figures féminines dans cet exil. Bon, et on fait référence quand même à ces événements-là. Donc, il y a toute une série donc de lieux communs, j'allais dire, plutôt que de lieux. Hein, dans ce nulle part qu'est l'exil, il y a des lieux communs. Et ces lieux communs, c'est le ruisseau de Madame de Staël, c'est le pain amer de l'exil et l'escalier qui est difficile à monter, l'escalier d'autrui, bon, qui est une référence à Dante. Hein, voilà. Donc, on a ces références littéraires. Avec lequel on a parfois du mal à travailler, qu'on essaie d'écarter pour trouver du politique pur, j'allais dire, mais qui finalement en disent aussi long sur la façon dont ces gens perçoivent cette espèce d'attente, cette espèce de non-lieu de leur vie à ce moment-là. Donc c'était à peu près ces territoires-là que je voulais vous présenter, donc en prenant cette entrée-là, sachant que pour ces exilés, les temporalités sont aussi douloureuses, bien sûr, et que ça croise aussi ces problèmes de temporalité, hein, et que si on peut un jour rentrer d'exil, c'est-à-dire retrouver, donc quitter cette distance, la durée a forcément, elle aussi, une empreinte très très forte. Il y a une référence aussi en termes de territoire qui est très forte, et là aussi qui pouvait paraître un peu domaine de la convention et de choses peu intéressantes, c'était la nostalgie par rapport à la terre des morts. Bon, ça c'est retrouver la terre de sa famille, revenir en France, et, hein, mais surtout par rapport à Paris. Et là aussi, c'est vraiment une géographie tout à fait particulière du XIXe siècle. C'est, en reprenant la terminologie de Pascal Casanova, donc, qui donc a travaillé sur la République, enfin, République mondiale des lettres. Oui, la République mondiale des lettres. C'est cette idée de méridien, de Greenwich, de la littérature et de la culture qu'est Paris. Et ces exilés ne sont pas seulement loin de la France, ils sont loin de Paris, et ils sont loin d'un centre, du centre du monde de la culture et de... Et ça amène donc véritablement une réflexion très traumatique, très traumatisante, surtout par rapport à une capitale qui est en train de se transformer. C'est-à-dire que le Paris haussmannien est un Paris qu'ils ne connaissent pas. Donc, tout ce qu'on raconte sur Paris à ce moment-là est, je pense, doublement douloureux pour eux, triplement douloureux, parce que c'est une transformation de Paris auquel ils ne participent pas. D'où un regard négatif, mais peu importe. Enfin, c'est surtout ce décentrement, hein, par rapport donc à ce cœur parisien. Et c'est pas pour rien, on peut dire, que ces exilés investissent et s'approprient de façon assez étonnante le Paris Guide, c'est-à-dire il y a un guide qui est fait donc en 1867 pour l'exposition universelle de Paris. Et donc là, il y a un guide qui s'appelle le Paris Guide, qui est qui est fait par les plus grands, enfin, les grande partie des opposants, et surtout les grands exilés, donc, qui écrivent un guide pour une exposition universelle à laquelle ils ne vont pas assister, ils ne vont pas être présents, et pour un Paris qu'ils n'ont pas vu depuis 15 ans. Enfin, c'est assez étonnant, cet ouvrage, qui est magnifique, avec une préface donc, de Victor Hugo, hein, qui explique que, de toute façon, Paris, c'est la ville révolution. Hein, donc, bon, y a toute une terminologie autour. Il y a un texte de Louis Blanc, ils ne sont pas tous exilés, hein, mais il y a Herzen qui parle des Russes. Bon, Herzen était revenu... mais bon, donc, il y a vraiment aussi ce rapport donc, à la capitale, que l'on aurait peut-être moins aujourd'hui, j'en sais rien, mais qui est aussi un des éléments donc de ce discours sur l'exil qui parfois donc peut paraître très décevant. Hein, il y a des effets de déception qu'il faut dépasser aussi pour accepter en quelque sorte que ça soit aussi ça l'exil, quoi. Comme on dirait, pour paraphraser Victor Hugo, ce que c'est que l'exil. Bon, ben c'est aussi tout cela. Alors si je vais essayer en quelques moment là d'essayer de repenser tout cela avec la globalisation. Dire que bon, évidemment, ces exilés sont forcément dans une situation qui est une situation qui dépasse le cadre national, qui est forcément transnationale. Donc, c'est du billard, quoi. C'est-à-dire qu'on est déjà forcément dans le transnational, on est déjà dans autre chose que le national, même si très souvent ces exilés n'ont finalement qu'une pensée, c'est construire leur propre nation. Bon, ce qui est vrai. Bon, mais on peut aussi considérer que chaque expérience nationale nourrit les expériences des autres. Donc, on peut essayer de travailler tout cela. Donc, une situation. Mais comme le disait, donc, je vous le dis, dans Neville Kirk, finalement, très peu de travaux semblent s'intéresser donc, à tout cela. Donc, les pistes, hein, mais je les ai déjà un petit peu évoquées, ce serait de retravailler ces congrès de la paix. Hein, pourquoi ne pas s'intéresser à la circulation des exilés par rapport à cela, alors que pour le XXe siècle, on s'intéresse beaucoup à toutes les organisations internationales. On pourrait retravailler au XIXe siècle ces congrès de la paix et ne pas simplement y voir des espèces d'utopie, retravailler même les communautés utopistes certainement dans cette démarche-là, travailler aussi la franc-maçonnerie. Parce que tous ces réseaux francs-maçons, qu'est-ce que c'est que la franc-maçonnerie, si ce n'est finalement aussi des phénomènes globaux, hein, si on va dans la... Bon. Et aussi travailler aussi des terminologies comme celle de chapelle politique, hein, pas de diaspora, mais des chapelles politiques. Le terme de chapelle, qu'est-ce que c'est qu'une chapelle politique, hein, les individus, quel est le rayonnement, on pourrait retravailler, je pense, tout cela donc, à l'aune de cette recherche. Et puis, il y a aussi... je l'ai dit, donc, ces travaux qui ont été faits autour de Mazzini. Donc, pourquoi ce choix de Mazzini et comment on pourrait essayer de retravailler, de déplacer ou de généraliser ce qui a été fait de façon un peu, pas confidentielle, mais bizarre autour de Mazzini. D'autant que la façon de travailler là sur Mazzini tient encore beaucoup quand même d'une espèce de global qui est quand même un global diffusionniste. C'est-à-dire que c'est quand même les idées de Mazzini telles qu'elles ont été envisagées en Amérique, enfin dans une série de territoires, hein, comment les Indiens, puisque Bailey travaille là-dessus, comment les Indiens se sont appropriés. Mais enfin, on est quand même dans un système qui est un système, j'allais dire, toujours diffusionniste, c'est-à-dire qui est quand même les idées de l'Europe allant vers le reste du monde. Hein. Donc, ce n'est pas ça le global. Normalement, le global doit être un effet retour. Hein, comment retravailler ces effets retour? Alors, je me suis dit, si j'avais à choisir un exilé, si je ne prenais pas Mazzini, bon, très vexé d'ailleurs, en me disant, mais finalement, il n'y a personne qui peut jouer ça, le Drurolin, pas du tout, Lamartine, pas du tout. Je me suis dit, mais il y a Hugo, bien sûr. Bon. Alors, Hugo est moins politique que Mazzini. Enfin bon, avec Hugo, on peut jouer à ça. Alors, je ne l'ai pas fait pour beaucoup de choses, puis je me suis dit, qu'est-ce que j'ai déjà fait, moi, qui serait un peu cet ordre-là? Et je me suis rendu compte que dans ma dernière partie, sur les retours et la mémoire de l'exil, ça m'avait valu d'ailleurs quelques passes d'armes, d'ailleurs, au moment de mon HDR avec certains de mes collègues, j'avais retravaillé les rapports entre Hugo et les bannis d'Hitler, mais sans simplement travailler le fait que les bannis d'Hitler étaient influencés par Hugo, hein, mais de considérer, mes collègues m'ont dit non, tu t'es trompé là, j'avais écrit, il y avait un côté Heinrich Mann chez Hugo. Je dis non, c'est pas possible, tu te trompes, puisque bon. J'ai dit non, c'est ça qui m'intéresse, c'est le fait qu'on ne peut plus, on ne pense plus Hugo maintenant que parce qu'il a été retravaillé, hein, par justement la revue Europe en 1935, parce qu'il y a eu tout ce travail à nouveau, parce qu'il y a eu à nouveau d'autres exilés, hein, et que donc il y a un effet retour. Alors, on a une globalisation à très très petite échelle, parce qu'effectivement ça passe de l'Allemagne à la France, et donc bon, on n'a pas forcément ce mouvement-là, mais on peut le voir avec Tony Negri qui aussi se dit que j'ai pensé mon exil à travers finalement un exil du 19e siècle, et puis toutes les controverses auxquelles tu avais été mêlé autour donc des... Comment il s'appelle ? Tu sais, là, dans la revue, le débat autour, donc... Ah oui, oui, je ne vais pas retrouver son nom, là. Voilà, toi non plus, bon. C'était aussi ça, c'est-à-dire cette espèce de façon de jouer avec le présent, les passés, et donc de voir comment, finalement, dans la durée aussi... Yann Bourma, voilà. Hein, qui lui critiquait Saïd, hein, notamment donc, sur son rapport à l'exil et à sa vision de l'exil. Mais je pense qu'effectivement, il y a ce jeu qu'on peut faire dans les deux sens, c'est-à-dire pas seulement à l'extérieur. Alors on peut retravailler tout cela. Et Hugo, bon, s'y prête, j'ai retrouvé, c'est pas moi qui ai travaillé là-dessus, mais qui est donc un littéraire qui s'appelle Franck Laurent, qui parle des interventions publiques de Hugo donc, entre 1852 et 70. Et c'est vrai que Hugo est largement sollicité par des correspondants étrangers, hein, pour produire des textes donc, sur les situations politiques qui existent donc, à l'étranger. Et c'est vrai qu'il cite 3 textes adressés ou consacrés à la Pologne, 5 à l'Italie, 4 à la Grèce, 2 à la Belgique, 1 à la Suisse, 3 à l'Irlande ou l'Angleterre, 1 au Portugal, 2 à l'Espagne, donc vous allez me dire, bon, on est toujours quand même dans la proximité de ces exilés, 5 sur les États-Unis, 1 à la Chine, 2 au Mexique, 2 à Cuba, et on pourrait continuer. Donc il y a quand même le fait de solliciter Hugo là-dessus, avec des problèmes donc, de traduction, d'écho qui se passe. Hein. Et on sait que Marx a appris l'espagnol, hein, pour pouvoir comprendre ce qui se passait en Amérique latine, alors qu'il était correspondant donc, pour un journal américain. Donc je pense que ces échos, et c'est là peut-être l'intérêt aussi de cette histoire globale, hein, je terminerai là-dessus, c'est justement de se poser des questions qu'on ne se poserait pas. Je crois que c'est ça l'intérêt toujours de cela, c'est pas simplement de savoir si on rentre ou pas dans les cadres, hein, et c'est pour ça que je trouve ça un petit peu dommage la façon actuellement dont tourne le débat en France sur l'histoire globale, c'est-à-dire que j'ai apporté ça parce que je l'ai lu dans, c'est très très violent, il y a un article de Petré Grenouillot qui désingue, il n'y a pas d'autre terme, donc d'autres personnes qui ont travaillé sur la question en France, et donc en disant que le débat tourne autour d'un débat sur le bien fondé ou non du global, sans jamais le retravailler, ou en le travaillant en disant on ne peut le travailler que par rapport aux questions impériales, que par rapport à l'économie, que par rapport, et sans en faire la seule chose qui me paraît intéressante pour nous tous, c'est-à-dire d'en faire un instrument de questionnement qui fonctionne ou pas, peu importe, mais qui peut nous permettre d'enclencher des réflexions, des débats et de circuler entre les sciences sociales et pas simplement de recloisonner les choses. Hein. Donc, si vous voulez, je peux vous en citer, c'est très très... Alors, donc il cite justement, donc dans le XXe siècle, Chloé Morel, dans le XXe siècle, A World Global History, Questions et Débats 2009, qui ne semble avoir qu'une connaissance approximative du sujet. Généralement, quand même, on n'est pas dans cette violence-là, oppose de manière caricaturale les présupposés idéologiques et le caractère peu rigoureux de l'histoire globale aux avantages apparemment exceptionnels de l'histoire connectée des transferts culturels et des subaltern studies. Ah, on est dans un rapport quand même assez violent. Alors donc voilà, donc je me dis bon, soit effectivement avant on a peut-être fait du global comme Monsieur Jourdain, on faisait sans le savoir. Je pense que je vous ai un peu montré que c'était le cas. Mais Et alors, et peu importe, mais maintenant qu'on sait que ça existe, ben on peut essayer de le retravailler, et je pense que ça peut donner des idées, notamment par rapport à des phénomènes comme la franc-maçonnerie, notamment, je pense que ça pourrait tout à fait se retravailler dans ce cadre-là, pour essayer d'en sortir d'autres choses, d'autres éléments. Et les effets retours, je crois que là, on a vraiment beaucoup de choses à reprendre, à retravailler, en croisant comme ça les temporalités et les choses. Ce qui, alors là, évidemment, fait toujours bondir les historiens parce qu'on frôle l'anachronisme. Et donc là, on est au bord du gouffre. Mais je crois qu'il y a des éléments qu'on peut tout à fait retrouver. Voilà. Très bien. Ça te va ? Parfait. Merci. Donc, si vous voulez des questions, enfin, je peux préciser, évidemment, je pense qu'il y a des tas de choses qui ont été un peu imprécises, et surtout que bon, vous n'êtes pas tous historiens de formation, et que le 19e siècle n'est pas forcément la tasse de thé de tout le monde, donc je peux repréciser, bien sûr, un certain nombre d'éléments, ou d'éléments aussi bibliographiques, peut-être, si ça vous bon, intéresse. On voilà. va voir ça tout de suite. Questions, remarques, critiques. Il faut encore organiser quand même tout le... Vous avez une question, oui, peut-être une question, ça vous laisse le temps d'organiser. Ouais, voilà. Oui. Vous voulez dire éclaircir un peu oui. Moi, je suis un peu perdue quant à la définition de certaines situations, notamment quand vous parlez d'exilés, est-ce que c'est l'absence de perception de frontières, des représentations de la frontière, de la manière de vivre à la frontière. Alors, confusion entre la situation d'exil qui ne connaît pas la notion de frontière, mais en même temps qui s'exile dans des espaces de proximité. Que devient donc pourquoi parler de proximité lorsqu'on n'a pas d'idée de frontière, que devient l'idée de territoire aussi. Alors ensuite on a un glissement qui va de l'exilé vers l'asile, il me semble, si j'ai précisé. D'accord. Alors, est-ce que vous pouvez m'éclairer sur les notions, cette conception de l'exilé qui en même temps, parce que la situation d'exilé me semble aller accompagner le fait de passer une frontière, quelle qu'elle soit, de quitter un espace, j'ai besoin d'éclaircir. Oui, alors, je vais reprendre, donc oui, ce que je voulais dire surtout, c'est que la façon de penser la frontière véritablement comme un sas, comme un lieu véritable. C'est-à-dire que au XIXe siècle, je me suis rendu compte que ça n'avait pas la même force, si vous voulez. Il n'y a pas un imaginaire de la frontière qui est aussi fort que celui que nous avons maintenant. Donc voilà, c'est surtout cette question-là que j'ai mis en avant, c'est que la frontière n'est pas une ligne, si vous voulez, comme elle apparaît maintenant dans notre perception française. Elle est une espèce de on parlerait plutôt, là on serait plutôt dans les fameuses entre donc frontières et borders, c'est-à-dire on est dans une zone, si vous voulez. Donc voilà, c'était ce que je voulais dire, c'était que on était dans un confin, une marge, mais pas du tout une ligne véritablement qui sépare. On n'est pas dans cette séparation claire, nette, précise, juridique, qui fait passer d'un territoire véritablement à un autre. Donc c'était ça surtout, si vous voulez, c'était qu'il n'y avait pas vraiment cette notion d'une frontière aussi claire, nette et précise, et qui tenait beaucoup au fait que pour la plupart, comme il s'agit de gens qui ont les, entre guillemets, déjà les moyens du voyage, qui ont déjà voyagé, ils ne sont pas déracinés, c'est pas le fait de se déplacer qui est un déracinement, hein. C'est quelque chose qui est déjà une pratique, et qui est une pratique d'élite, le voyage, hein. Donc, si vous voulez, se déplacer, pour eux, n'est pas forcément un déracinement, une désorientation totale, hein. Ça va le devenir petit à petit, et cette désorientation, il la brocarde d'ailleurs assez clairement. Il y a un exemple qui est toujours donné, qui est celui d'un pauvre agriculteur qui se retrouve comme ça, complètement et qui se retrouve embarqué, donc, pour lui, non pas être exilé, mais pour être transporté vers Cayenne, et son bateau fait naufrage, le bateau fait naufrage en Angleterre. Bon, donc il se retrouve en Angleterre, et il se retrouve à Londres, il supporte pas Londres, financièrement il peut rien faire, donc un matin il prend ses affaires, et l'autre dit: mais qu'est-ce que tu fais, tu vas? Il dit: ben, je m'en vais, je rentre en France. Alors, mais non, tu peux pas rentrer en France comme ça, parce qu'il y a la Manche. Il sait pas ce que c'est que la Manche. Donc, pour lui, il y a une espèce de cheminement facile qui est de retourner. Bon, alors, ce que font les autres, c'est qu'ils considèrent que, bon, comme il n'a rien à faire là, on va les exiler autant que l'administration française considère qu'effectivement il n'a rien à faire là, et tout le monde va l'aider, hein, à repartir. C'est-à-dire qu'il n'a rien à faire, donc, dans cette espèce de situation. Donc, il n'y a pas de séparation, si vous voulez, nette et précise, donc, dans ce domaine de la frontière. Alors, la proximité, justement, elle est liée au fait qu'il faut être le plus près possible de Paris, plus près possible. Donc c'est pas, si vous voulez, la frontière, elle, justement, l'idée de proximité, elle est absolument pas liée à cette question de frontière. Il faut être le plus près possible. Donc le plus près possible, ça sera par rapport, donc, le plus près possible, non pas de la frontière, mais de ce qui nous rapprochera de Paris. Le problème, l'autre problème de la frontière, la vraie frontière, est une frontière linguistique. C'est-à-dire qu'en Belgique, les Français découvrent qu'on parle une langue très très bizarre, qui n'est absolument pas le français. Et là, alors là, pour le coup, c'est absolument abominable. C'est-à-dire que là, il y a vraiment une désorientation, un désarroi total, on se retrouver complètement confronté, donc, au fait de vivre dans des villes, puisqu'on va, en grande partie installer les exilés dans les villes qui sont des villes flamandes. Donc là, pour le coup, la vraie frontière, la vraie difficulté, c'est par rapport, donc, à la langue. Sachant que la plupart de ces exilés n'apprennent jamais ou très peu les langues étrangères. Mais donc là, surtout, la Belgique apparaît comme un espace qui devrait être complètement francophone, et où on découvre que les gens ne vous comprennent pas. Donc là, il y a une vraie... La frontière, elle est vraiment créée par la langue, par des éloignements qui sont liés justement au fait qu'on est dans des régions qui sont des régions non francophones. Il y a un endroit en Belgique que les exilés français appellent la Sibérie belge. Bon, c'est vraiment... donc on est dans des représentations quand même. Je ne suis pas forcément toujours dans cette idée qu'il faut travailler plus sur la représentation que sur les pratiques ou le réel, mais je crois que là, ça joue beaucoup. Alors, passe l'exil à l'asile, qu'est-ce que je voulais dire là-dessus? C'est qu'il n'y a pas, à part la peine d'exil, après, si vous voulez, il n'y a pas de situation juridique de l'exilé. Donc, on rentre très souvent dans une situation qui là aussi tient à des références historiques, tient à des références bibliques, autant qu'à des réalités tangibles, administratives. Il y a des règles, on est obligé de se soumettre en Belgique au fait d'aller toutes les semaines au commissariat, présenter ses papiers, hein. Mais le discours qui sera tenu, c'est un discours sur l'hospitalité ou l'inhospitalité, hein. Et non pas sur la difficulté qu'il y a pour certains à avoir les 200 francs qu'on demande de présenter pour montrer qu'on peut toujours vivre ou autre. Donc il y a, si vous voulez, des réalités juridiques, administratives, qui sont assez peu nombreuses à ce moment-là par rapport à la fait de dénoncer une inhospitalité ou le fait de ne pas accorder de subsides, par exemple, en Grande-Bretagne aux exilés. On sait que la Grande-Bretagne accepte les exilés, mais qu'elle les laisse mourir de faim, par exemple. Donc elle est inhospitalière. Bon. Ça n'a rien... Peu importe, enfin, il n'y a pas de... Tout ce que fait la Grande-Bretagne, par contre, et ce que les Français ne parlent pas, c'est que les Britanniques donnent très souvent de l'argent aux exilés pour qu'ils puissent quitter la Grande-Bretagne et aller aux États-Unis, par exemple. Donc il y a des éléments tangibles d'une politique d'exil, hein, qui sont généralement minorés, qui ne sont pas pris en compte au profit d'un discours, hein, sur l'attitude des peuples qui vous accueillent ou non. Donc, mais qu'on retrouverait aussi dans l'émigration française ou dans l'émigré de Sénac de Meillan, on a aussi à un moment l'idée qu'une carte qui indiquerait les pays où les Français sont bien accueillis, où les Français sont mal accueillis. Hein. Bon. Ce qui ne tient pas compte d'une législation du tout. Voilà. Donc on est dans deux registres, si vous voulez, qui sont souvent présents en même temps, mais où le discours majeur est généralement un discours qui est un discours comme ça sur l'hospitalité, sur Dante, qui ne tient pas compte des réalités forcément du pays. Vous remarquerez que c'est encore un peu vrai maintenant, parce qu'au sens strict, l'exil n'a pas de sens en termes de... Ça n'est pas une... Oui. Non. Voilà. Non, ça n'existe pas. Voilà, le seul terme juridique qui existe, c'est réfugié. Oui. Exilé, ça n'a rigoureusement aucun sens. Mais voilà. C'est ce que je me disais quand je vous écoutais, mais finalement, de quoi parlons-nous ? On parle de quelque chose à la fois. Mais ça, c'est, alors, je suis retombée là bizarrement l'autre jour sur un texte de Foucault. Ça fait très chic, mais j'ai trouvé ça. Il appelle ça les hétérotopies. Oui. Il dit que la maison close, la colonie. Je me suis demandé s'il existe bateau, et pas d'une certaine façon, parce que tout le monde sait à peu près de quoi on peut parler, presque, et en termes de lieu, c'est presque. Enfin, si on lui donnait une dimension territoriale, Ou une dimension déterritorialisée, voilà. Ou reterritorialisée autrement, en tout cas, oui, d'une certaine manière, ça peut fonctionner comme une hétérotopie, effectivement. Quand vous regardez, ce qui vous montre bien ça, c'est à quel point on se trompe généralement sur les termes. Par exemple, quand on évoque le droit d'asile. Le droit d'asile, ça n'est pas le droit d'un individu à obtenir l'asile. C'est le droit que possède l'État d'accorder l'asile. Donc on est encore dans une dimension qui est très romantique, finalement, de l'exil, en tout cas dans un certain nombre de cas, mais où en fait le terme est utilisé... On peut même pas dire à tort et à travers, mais il est utilisé aussi bien pour le journaliste qui quitte son pays que pour évoquer Lorenz Durrell quand il est en Égypte ou à Chypre. Donc on l'utilise pour pratiquement toute situation de déplacement un peu loin de chez soi. C'est ce qui est très compliqué quand on travaille justement sur ces objets-là, c'est qu'il y a aussi toute une dimension sémantique autour de l'exil qui fait que vous pouvez l'utiliser pour absolument tout et n'importe quoi. Et qui devient très compliqué de savoir exactement à quel type de population on a affaire, parce que même ces populations ont une fâcheuse tendance à se décrire d'une manière extraordinairement différente. Les uns vont se décrire comme émigrés, qui a un côté révolution française. Évidemment, c'est des exilés républicains, donc jamais. Jamais ils vont utiliser le terme d'émigrés. Jamais. Hein, alors là, c'est vraiment pour eux complètement rédhibitoire. Ils sont exactement au même lieu. Il n'y a absolument aucun. Alors là, s'il y a quelque chose qui n'est jamais rappelé, c'est l'émigration, parce que, évidemment, c'est pas du tout. Les émigrés, c'est les émigrés qui ont fui la révolution française, et donc qui sont considérés comme réactionnaires, anti-révolutionnaires. Donc émigrer au XIXe siècle, c'est ça que ça veut dire. Donc on ne va pas l'utiliser parce qu'il y a une lourdeur sémantique, une charge sémantique qui est très forte. C'est ce qui complique d'ailleurs le fait de travailler sur ces objets. C'est qu'il y a toute cette charge qui est vraiment qui est très présente. Et alors j'ai l'impression qu'il y a une forte dimension d'imaginaire qui participe à la manière dont les divers acteurs que vous avez évoqués présente ou vive l'exil, ou le définit. Oui, j'ai un peu peut-être appuyé là-dessus plus que sur d'autres aspects, parce que bon, c'était aussi l'idée de travailler avec certains points, mais effectivement d'essayer de comprendre comment un certain nombre de références finalement créent cette communauté imaginée aussi, hein, qui était vraiment là très très présente. C'est-à-dire que ce qui lie ces gens, c'est à la fois ce qui leur est arrivé politiquement, c'est bon, évidemment, d'être républicain pour la plupart et donc d'être parti. Mais c'est aussi autre chose, hein, c'est d'appartenir à cette espèce de famille des juifs en exil, qui comme ça, donc capte, si vous voulez, des héritages, les sélectionne, hein, avec en refusant évidemment ces émigrés, en se sentant plus proche des réfugiés huguenots. Hein, toute la construction historique de refuge huguenot, le terme même de refuge, le terme de refuge pour les huguenots, naît à ce moment-là, exactement au même moment, dans les années 1850. Donc, on se construit des filiations et on construit aussi des histoires de proximité, enfin, qui se font écho aussi donc, dans ce... dans ce cadre-là. Donc je crois que c'est important de sentir ces imaginaires qui rencontrent également des réalités quotidiennes, qui sont aussi des réalités quotidiennes de crainte, d'être obligé de partir, donc de mise en scène de ces communautés, qui vivent énormément, et ça toi tu l'avais aussi montré, qui vivent énormément aussi avec une porosité complète quand vous n'avez plus d'espace de politique. Il n'y a pas d'espace du politique. Donc, il y a une porosité que j'ai expliquée là, simplement en parlant du fait que le domicile privé, puis c'est un lieu politique. Mais constamment, vous n'êtes jamais dans une situation politique ou dans une situation non politique. Tout est mélangé. Donc, vous êtes constamment dans le mélange. Et donc, ce mélange fait que les situations qui peuvent être des situations complètement d'ordre privé deviennent des situations qui sont traitées par la communauté politique. Vous avez des adultères. Les adultères donnent lieu à de véritables procès politiques. C'est très très étonnant, mais je crois que et Adorno en parle aussi dans ce cas-là, c'est qu'il y a aussi le fait qu'on doit être exemplaire. Il y a une espèce d'exemplarité de l'exilé qui est complètement quelque chose qu'il a dans la tête, parce que pourquoi et qui fait qu'il faut donc être exemplaire, que cette exemplarité, elle est autant politique, autant dans la pureté politique qu'on doit maintenir, que dans la pureté de sa propre vie privée. Donc on a vraiment des situations qui sont hallucinantes, enfin, de procès. Alors c'est pas seulement d'ailleurs chez les exilés français, là, Herzen, du coup, qui pourtant souvent paraît comme pour moi plus moins comme ça dans le. Mais là, sa femme le trompe. Et il écrit à Michelet, à je ne sais plus qui, à Proud, enfin tout le monde disant il faut qu'on fasse un jury, il faut qu'on fasse un procès. C'est pas tellement notre. Parce qu'il a. Il veut battre en duel avec son. Et donc, tout est question comme ça. Il y a énormément de procès. Et ça fait. Il y a des scènes d'adultère. C'est le problème d'adultère, mais pas seulement. Donc, dès qu'il y a des conflits, on règle des conflits. On passe sa vie à régler des conflits. Mais ces conflits sont réglés donc, par une espèce de simulacre de règles. Juridiques qui sont mis en place donc avec un président. Donc quand il y a un mouchard, est-ce qu'il faut le condamner? Est-ce qu'il faut le condamner? Pas le condamner? Est-ce qu'on doit condamner à mort un mouchard ou pas? Qu'est-ce qu'on en fait? Bon, on le remet aux autorités, pas aux autorités. Bon, donc il y a toute une vie infrapolitique qui se met en place et qui est constamment donc qui mélange la vie privée, la vie et la vie publique, parce qu'il n'y a plus de vie publique possible non plus. On n'a pas de lieu pour s'exprimer politiquement, et on a donc les frontières. Alors là, pour le coup, les frontières entre les différentes formes de vie sont mélangées. Je crois que c'est ça qui est aussi très très très étonnant quand ça dure, quand c'est dans la durée, et ça on le voit dans les tas de témoignages qu'on a au XXe siècle aussi sur des communautés d'exilés chiliens, sur des communautés autres, on a aussi ces problèmes donc de procès, micro-procès, et puis de mélange comme ça entre différents éléments. Ce qui se joue aussi par rapport au problème de génération, c'est-à-dire que c'est des vies politiques qui stagnent. Tu t'avais parlé, c'est-à-dire que c'est des gens qui il n'y a pas de nouvelle génération, ou c'est des enfants, leurs enfants, mais il y a peu de renouveau finalement. C'est une génération qui reste, c'est des gens qui restent comme ça suspendus en quelque sorte dans leur situation et qui n'en bougent pas parce que il n'y a pas d'événement qui influe une pratique. Ça reste, on reste figé en quelque sorte, espèce de comme les enfants quand on joue à 2-3 soleil, on reste comme ça et puis on attend que ça rebouge, mais ça bouge pas. Donc on attend et on pense généralement, on pense l'avenir toujours en fonction du passé. C'est vraiment très très net. Donc l'imaginaire est fort parce que il y a pas de pratique du politique réel. J'ai une question. C'est pas vraiment une question en fait, c'est encore des pensées un peu compliquées. Est-ce qu'on pourrait pas, pour revenir à la question du global, oui. Est-ce qu'il serait possible d'étudier la question de l'exil ou les exilés en essayant de faire plus de lumière sur les situations qui ne sont pas liées à leur pays, nation ou état d'origine. Étant donné que, d'après ce qu'on voit plus ou moins, justement, plus la personne est connue, plus il doit respecter cette morale de l'exil et plus il reste toujours lié à son pays. Je crois, Hugo, c'est tellement grand que, qu'on ne peut pas... Justement, qu'il n'aurait jamais pu dire « je ne suis plus exilé, je m'installe, je fais ce que je veux ». Alors que d'autres situations qui passent de l'exil à simplement habiter dans d'autres endroits... sont possibles justement parce qu'ils ne sont pas connus, je crois. Et de la même façon, donc, pour retourner, que vous dites que l'exil se démocratise au cours du 19e siècle, on ne peut pas dire aussi qu'il se globalise justement par cette démocratisation en quelque sorte. Oui, je pense qu'effectivement, oui, c'est une possibilité. C'est-à-dire qu'il faut, il faut jouer sur la multiplicité des trajectoires. Je pense que on... Alors, il y a beaucoup de ces exilés qui deviennent tout simplement des migrants. Donc déjà, des gens qui s'inscrivent dans une autre, dans une toute autre démarche, hein, c'est-à-dire qu'ils quittent ce statut, enfin ce non-statut, pour devenir simplement des gens qui vivent à l'étranger et qui deviennent complètement... qui disparaissent, qui s'évanouissent complètement finalement dans une autre structure qui est celle d'une migration qui a lieu dans n'importe quel pays et qui les conduit comme ça donc à être oui enfin à devenir anglais, à se marier, enfin bon, à complètement donc se fondre dans un autre univers. Alors je sais pas si ça vraiment ça nous amènerait à du global parce que bon on disparaît. Alors, la question que j'ai laissée un peu en suspens, mais que j'avais travaillé par ailleurs, pour justement un autre... C'est la question du cosmopolitisme. Ouais, ah. Moi, je pensais aussi aux anarchistes, que j'ai l'impression qu'ils sont peut-être moins engagés dans une tellement nationale que les républicains français, par exemple. Oui. C'est sûr que, enfin, en même temps, quand vous regardez les, pour avoir un peu travaillé sur les anarchistes en Angleterre et avoir lu les travaux de Constance Bontemann, on a l'impression quand même qu'ils sont très très français ces anarchistes, enfin, qu'ils restent quand même très très très bon liés à des pratiques françaises. Oui, mais ça serait juste des pratiques quotidiennes ou culturelles que politiques. Oui, que politiques. Oui. Mais en même temps, ces pratiques, l'estampage, j'ai l'impression que c'est quand même, ces pratiques sont quand même très très françaises. Enfin, le rapport, la proximité de l'anarchiste avec de la délinquance, enfin tout ça, j'ai l'impression que c'est quand même quelque chose qui est plus français que dans d'autres pays. Enfin, j'ai l'impression que c'est aussi une dimension assez particulière. Donc, je ne sais pas si c'est le degré politique qui joue. Alors, c'est sûr que les Français ont un rapport très compliqué au cosmopolitisme. Donc, de toute façon, ça limite déjà beaucoup leur globalisation, la facilité de les globaliser. Pourquoi ? Parce que les Français, c'est vrai, sont très partisans du cosmopolitisme, mais le cosmopolitisme, c'est pour les autres. C'est-à-dire que ce qui compte, c'est de toute façon que les gens, quand même, considèrent que Paris ou la France est le centre du monde. C'est-à-dire que tout ce qu'on cite toujours sur Hugo, sur les États-Unis d'Europe, enfin, ça fait toujours partie. Ça serait d'ailleurs intéressant de voir comment on peut se servir d'une partie. Enfin, Hugo dit toujours les États-Unis, un jour l'Europe, nanana, sera. Et la capitale de l'Europe sera Paris. C'est-à-dire que de toute façon, on est dans un annexionnisme total. Et la Belgique, pour lui, n'a aucun sens. La Belgique devra un jour accepter d'être réunie à la France. Donc on n'est pas du tout dans un cosmopolitisme d'égalité. Enfin, il n'y a pas du tout d'égalité possible entre les différentes... Et il y a plutôt, comme le refus d'être émigré, il y a le refus d'être cosmopolite. Le cosmopolite, c'est... c'est les Lumières, c'est le 18e siècle, hein, c'est un regard très négatif sur c'est le patriotisme, enfin cette construction du patriotisme et du nationalisme au 19e siècle, elle se fait par la gauche. Hein, donc ça c'est les travaux de Philippe Darioula, c'est vrai que les plus chauvins, enfin patriotes, sont des gens de gauche, c'est-à-dire que l'idée c'est que ce sont les monarchistes qui eux n'ont pas de patrie. Des textes très très virulents sur le fait que les immigrés, eux, disent, c'est une critique qu'ils font par rapport à ce qui se passe en France et à la République française, c'est que justement, elle s'attache à un territoire qui est un territoire national, enfin, que seuls les chiens ont des territoires. Enfin, il y a des textes sur le fait que, bon, que citer. Vida, comment elle s'appelle, Azimi. Vida Azimi, hein, qui sont des textes donc qu'on trouve donc chez les immigrés qui vraiment se revendiquent eux comme cosmopolites. Enfin, on sent dans l'ambivalence et c'est ça. Enfin, comprennent que se revendiquer comme cosmopolite, c'est se fermer les portes de la France maintenant. Mais en même temps, on a des textes de contre-révolutionnaires qui disent ben non, il n'y a que les chiens qui ont des territoires. Nous, les élites, nous sommes des gens qui circulons d'un lieu à un autre. Enfin, c'est vrai que cette idée de circulation. C'est peut-être les plus globaux, finalement. C'est peut-être les plus globaux, oui, c'est ça. Mais c'est comme les jet sets. Enfin, qu'est-ce qu'il y a de plus global que la jet. Enfin, c'est ça. Il y a aussi cette dimension de moyens aussi du voyage, enfin du déplacement. Bon, alors, qui bouge un peu au 19e siècle, parce qu'en gros, les gens bougent énormément quand même. Hein, donc, c'est vrai que. Mais la perception qu'on a de celui qui circule, c'est pas la méfiance actuelle qu'on peut avoir de la patrie ou autre, c'est effectivement celui qui n'a aucune notion de la distance, enfin, de l'attachement aussi à l'espace. Oui, je ne sais pas si j'ai répondu, mais c'est compliqué. Enfin, c'est une vraie question. C'est compliqué de voir ça par rapport à, enfin, aussi aux individus. Oui. Oui, j'ai deux très courtes questions. Je me demandais s'il y avait déjà une analogie qui a été faite, peut-être par les exilés français eux-mêmes, entre leur situation et celle de l'émir Abdelkader. Et ensuite, on a déjà utilisé l'expression exil de l'intérieur à propos des chefs légitimistes après le 2 décembre. Je me demandais si c'était une expression d'époque et si ils avaient déjà eu recours à cet imaginaire. Alors, Abdelkader. Alors, Abdelkader, c'est simple et compliqué. C'est que de toute façon, Hugo doit avoir vaguement un texte, je pense, sur Abdelkader. Mais ces républicains-là ne te posent absolument pas les questions par rapport à la question coloniale. Enfin, bon, c'est pas. Et alors, Abdelkader, c'est vraiment. Il faut replacer ça dans. Une autre perspective, une autre globalisation qui est celle sur les empires. Et donc, c'est un chef militaire. On est dans cet imaginaire-là, qui est un autre imaginaire, qui est le chef militaire qui est défait. Donc, qui est ensuite donc en détention. C'est pas la même chose que l'exil. Enfin, l'exil d'Abdelkader, c'est la relégation du chef militaire à qui on offre une situation qui est une prison dorée, d'une certaine manière. Hein. Je ferai la comparaison, mais parce qu'elle est facile à faire, parce qu'ils ont été en relation avec celui qu'on appelle l'imam Chamil, dans le Tchétchène, donc, qui est dans le Caucase à la même époque, qui lui aussi combat contre les Russes, et qui est aussi défait en 1859, donc quasiment au même moment, et qui a des contacts, donc, qui s'échange des lettres avec Abdelkader, et qui est relégué aussi à Kiev. Donc là, on a des similitudes qui sont les exilés, eux, ces problématiques-là, ils les ont vraiment pas du tout, en fait. C'est pas du tout les mêmes, pour eux, les mêmes. J'ai pas les mêmes approches. Les chefs militaires auxquels ils pensent, eux, c'est Garibaldi ou autre. Mais donc on n'est pas dans la même défense de territoire et là on est vraiment, je pense, dans un domaine du militaire et de l'impérial qui n'est pas leur problématique et qui connaissent très mal. Hein, voilà. Alors l'autre, l'exil intérieur, l'exil intérieur, il est très ancien. Hein. L'exil intérieur, si vous voulez, c'est surtout dans le souvenir qu'ils peuvent en avoir, dans la construction qu'ils peuvent en avoir, c'est l'exil intérieur de la noblesse toujours un peu rebelles par rapport à Louis XIV ou autre. Hein. Donc il y a toujours eu un exil intérieur. Alors pourquoi est-ce qu'il n'y a pas d'exil intérieur des républicains? D'abord parce que c'est une peine, donc ils sont confrontés à cela, et que sinon c'est la prison. Donc il n'y a pas de possibilité pour eux d'exil intérieur. Hein. L'expression existe Oui, l'expression existe, oui. Oui, je pense que oui, l'exil intérieur, oui. Mais il n'y a pas pour eux de possibilité d'échapper là à des formes de sanctions et de répression. Par exemple, dans la gradation des peines, il y a une peine qui est aussi très intéressante sur laquelle j'avais travaillé avant de travailler sur l'exil, qui était l'internement. C'est-à-dire que les gens sont internés. Alors ils sont internés de façon très très bizarre. Ils sont internés soit dans leur village, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas en sortir. Hein, ils sont signés. C'est une assignation à résidence. Mais il y a un autre internement qui est plus subtil, plus pervers, qui sont internés ailleurs. Et ailleurs, c'est généralement, alors c'est une peine qui est une peine pour des gens qui n'ont pas commis, qui ne sont pas sur l'espèce de registre du républicanisme, qui sont généralement des gens qui tiennent, qui sont instituteurs souvent, ou qui tiennent un café, enfin donc un café où les gens se sont retrouvés, où là généralement la colonne est partie pour aller la préfecture le décembre 51, donc c'est le début. Donc c'est les têtes chaudes, quoi, un peu ces gens-là. Ceux qui sont coupables d'excitation, d'avoir excité les autres à la violence. Et donc ces gens qui sont souvent dans des villages, et on les interne dans des villes. Et donc on les interne, alors par exemple, ces gens qui vivent, je sais pas moi, qui vivent dans des petits villages dans le Morvan, qui sont un peu dans la Drôme ou autre, bon, et qu'on va exiler à Angers, au Mans, à Saintes. Des endroits où ils n'ont absolument rien à faire. Les agriculteurs, vous imaginez, ils se retrouvent dans une petite ville où ils ne connaissent personne. Donc voilà, donc ça c'est des procédures aussi qui ont été mises en place et qui sont, où là les gens très souvent d'ailleurs demandent, alors soit évidemment il faut un mandat honorable et essayer très vite de rentrer, ce qu'on généralement on leur accorde au bout de quelques années. Ce sont des gens qui ont été dénoncés aussi. Ou ils demandent à partir en exil, parce que finalement ils disent non mais attendez, moi je préfère carrément partir aux États-Unis ou autre que de rester là où j'ai rien à faire, je sais pas quoi faire dans cet endroit-là. Donc voilà, donc ça c'est des formes d'exil. Alors c'est de l'exil, c'est pas d'exil intérieur, mais c'est une autre forme de peine pour isoler les gens et détruire des réseaux politiques. Un éloignement. Voilà, c'est une forme d'éloignement avec donc, mais qui est qui est une forme quand même assez étonnante parce que les gens ne sont pas soumis à la prison, sont pas... mais c'est vraiment des déplacements. On a l'impression que c'est l'autre France, c'est-à-dire la France qui n'a pas bougé pendant le décembre 51, où donc on reverse les gens qui, eux, ont été comme ça un peu surexcités. Il y a toujours donc cette espèce d'empêcher les gens d'aller vers Paris, par exemple. Enfin, donc, même quand ils partent, quand on leur donne la possibilité de partir, ils ont l'interdiction de retourner vers Paris ou autre. Donc ça se faisait déjà avec quand la France internait, quand les exilés étrangers venaient en France. Donc on les internait aussi dans des lieux qui étaient des lieux considérés comme justement pas dangereux. Pendant les carlistes, par exemple, les Espagnols carlistes, on les internait du côté de Bourges, parce qu'on était loin des frontières espagnoles. Bon, le problème, c'est quand après, on voit arriver des chefs carlistes. Alors, donc là, on repousse les populations plus loin, parce qu'on se dit qu'on ne va pas créer des noyaux. Et donc on crée des lieux d'internement bien avant les camps d'internement pour les étrangers en France. On retrouve cette idée-là, donc où on les met loin des frontières et on les interne donc à l'intérieur du territoire, là, pour le coup, dans les profondeurs du territoire français, et pas à Paris aussi. Ben, bien sûr, là, il y a un écart aussi par rapport à la capitale et les frontières. Donc c'est toutes ces pratiques-là, et l'exil intérieur, on l'a, oui, bien sûr. Mais là, c'est pas une pratique qu'on peut avoir. Alors, il y a cette pratique pour les légitimistes, effectivement, qui se met en place. L'idée, d'ailleurs, étant qu'il y a un manque de travaux sur ces internationales royalistes aussi, et leur maintien comme type de réseau aussi, dans la seconde moitié du XIXe siècle. Là aussi, il y aura une globalisation de la des idées royalistes et dans leur fonctionnement dans, en Europe qui serait aussi à retravailler certainement. Justement, tu évoques là, la question de la question de réseau. Quand tu nous décris ces différents territoires, c'est vrai qu'on a parfois l'impression que donc on a des personnes qui partent de France ou qui ont été chassées de France, expulsées, etc., et qui s'installent ici ou là. Donc on peut en faire une carte, on peut décrire quelque chose. Mais j'imagine qu'il y a aussi une véritable circulation à l'intérieur de ça qui peut exister. Alors, est-ce qu'elle existe de manière, à cette époque-là, est-ce qu'elle existe de manière importante? Et qu'est-ce qui circule? Est-ce que, avant tout, ce qui circule, c'est de la correspondance? Est-ce que ce sont des écrits? Ou alors, est-ce qu'il y a aussi des individus qui circulent entre ces différents lieux? Je pensais notamment à un point, bon, c'est plutôt dans d'autres formes d'exil, je pense à Mazzini ou à Kossuth, c'est-à-dire le fait de lever de l'argent pour continuer la lutte de l'étranger. Donc il y a toute une forme d'itinérance qui s'installe avec les tournées de Kossuth aux États-Unis pour lever de l'argent. Donc là, on a une véritable circulation entre des pôles qui existent et qui du coup sont reconnus aussi comme étant des pôles d'un même espace de cette manière-là. Alors ça, il n'y a pas. Ça, on n'a pas ça. ça m'a... C'est vrai que ça... J'ai cherché sans chercher parce que c'était tellement évident qu'il n'y avait pas que bon c'était d'abord parce que les Français ne comprennent pas du tout. J'avais travaillé un peu sur Kossuth, les Français ne comprennent rien, mais rien, mais rien. C'est assez étonnant, enfin cette espèce de d'incompréhension totale. Et Kossuth, il ne parle pas français. Alors, les Français ne comprennent pas pourquoi. C'est très, très... Et donc, cette idée comme ça, de faire des tournées aux États-Unis, il n'y a aucun Français qui se lance là-dedans. On n'a vraiment pas du tout cette... Alors, ça tient aussi au fait qu'il y a, je pense, quand même, le fait de s'appuyer sur des communautés. Les Allemands, les Hongrois s'appuient sur des communautés installées même les Italiens, qui vont les recevoir et qui vont. Donc je crois que là, le fait qu'il n'y ait pas ces types d'appui, il faut que ça se crée aussi localement, c'est-à-dire qu'il y ait un substrat pour faire les choses. Donc ça se fait à d'autres échelles. On peut pas dire qu'il n'y a pas l'idée de chercher des fonds ailleurs, de lier de ça, mais ça prend pas de la même manière. Alors, ce qui circule, c'est de la correspondance, ça c'est sûr, bien sûr, avec toute la difficulté qu'on a nous-mêmes maintenant à la connaître, cette correspondance, parce que... je pense qu'une grande partie de la correspondance est envoyée, de toute façon, il y a tout un jeu, un circuit de fausses adresses, de choses comme ça. Bon, donc il faut vraiment tomber sur... Moi, je suis tombée sur un ou deux cas de où la femme de Quinet explique comment telle lettre, qui est une lettre qui est une lettre où il y a une question d'argent, en fait, traite de la circulation d'un ouvrage. Et donc, en fait, elle décrypte le propos. Mais souvent, ça nous échappe beaucoup. Je pense qu'il y a des tas de choses qui passent. Il y a des correspondances entre la femme de Quinet et la femme de Michelet, où elle parle de chaussures, de choses comme ça. Je ne suis pas sûre qu'il s'agit vraiment de chaussures. Je ne suis pas sûre que ça soit simplement une... Alors, je ne fantasme pas non plus sur le... Mais je pense qu'il y a des tas de choses qui nous échappent, parce qu'il y a, des grilles de lecture, des grilles de construction. Et puis, le fait que ces exilés ne nous aident pas, parce que très souvent, eux-mêmes... disent le Drurelin, il dit oh là là, bon, de toute façon, bon, on fait rien en exil, je vois personne, machin. Donc, quand tu lis après les carnets, tu dis on a les carnets de l'écluse avec qui il est en relation, et on a l'agenda, donc on voit très bien qu'ils ont des rendez-vous politiques constants. Il y a une espèce de dénégation aussi par rapport à ce qui se passe. Bon, donc c'est quand même simplement quand il y a toujours finalement les sources qui nous permettent de voir ça, c'est les sources de la répression. Et même le Drurelin, donc, qui est quand même plutôt un meneur, il se balade pas. Le Drurelin bouge pas. Hugo bouge, mais il bouge pas politiquement du tout. Les voyages d'Hugo sont des voyages justement où il essaye de quitter ce lieu politique où tout le monde vient le regarder, les gens s'agenouillent devant sa maison. Enfin, c'est on a la même chose hein, pour ce qui se passe quand Garibaldi est présent chez Herzen et autres. Enfin, il y a des foules qui viennent voir. Enfin, c'est assez étonnant. Il y a une connaissance de ces gens qui est très très importante. Mais eux-mêmes, c'est quand même les seconds, les petits qui circulent ou les femmes. Les femmes circulent beaucoup. Alors là, pour le coup, elles ont une possibilité de circulation. Donc, il y a des femmes qui servent constamment à faire le lien. Et alors là, elles le font souvent de façon orale. C'est-à-dire que de toute façon, elles rentrent deux ou trois fois par an en France et elles vont à Lyon, elles vont ailleurs et elles font l'échange. En fait, l'échange, elles le font par elles-mêmes. Et souvent, les femmes maintiennent des relations entre des chapelles politiques qui ne se parlent plus. Et qui maintiennent donc des réseaux, des relations entre ceux qui sont rentrés, ceux qui sont partis. Bon. Donc il y a des gens, mais c'est souvent c'est comme pour les migrants. Enfin, c'est comme les clandestins migrants, c'est-à-dire c'est les fourmis qui font circuler sur la toile les informations. Et les autres finalement, c'est des déclarations souvent très tonitruantes, mais qui à mon sens sont parfois un peu pas forcément un substrat fort. D'accord. Mais ça bouge peu, ou alors ça bouge pour ces congrès de la paix, là où on comptabilise qui vient, qui vient ça pas. C'est vrai que ça peut être un bel objet. Et ça, c'est un bel objet. Moi, j'aurais un peu retravaillé. Mais bon, en même temps, il faut lui redonner ça une place aussi, parce que sinon on est toujours dans l'échec. Quoi. Ces congrès de la paix, c'est un échec. C'est moins bien que de toute façon, c'est moins bien que l'international, parce que quand même l'international, il y a Bakounine, et puis on dit des choses quand même un peu plus fortes. Bon, là, on est dans une espèce. Il y a des sources. Oui, il y a des sources, mais il y a quand même tous les stéréotypes des réunions. Et puis il y a toute cette espèce de discussion très violente sur. Il y a la présence d'un drapeau français, mais sur le drapeau français, il y a quelqu'un qui se rend compte qu'il y a un aigle impérial, donc il y a quelqu'un qui déchire le drapeau français, mais il y en a un qui est très loin. Mmh. Ça, c'est intéressant parce qu'il faut toujours se poser la question. Moi, je me pose toujours la question, c'est bon, d'accord, ils ont peut-être un organe vocal qui est très très développé, mais on n'a pas de micro. Donc on est toujours quand même dans des. Non, mais ça pose quand même un certain nombre de problèmes d'un meeting politique. C'est-à-dire que vous êtes toujours quand même, il y a toujours quelqu'un qui doit quand même relayer l'information. Je ne sais pas si on entend vraiment, surtout quand c'est dans une langue qui n'est pas la vôtre et que les gens parlent un français qui parfois n'est pas forcément. Et alors, sans trahir un secret, ce type de sténotype, ça se trouve où ? Ça serait, je pense que c'est à Genève. Je pense que toutes ces archives des congrès de la paix sont restées, sont maintenant dans les archives genevoises, en fait, ont été récupérées. De la ville ? Non, pas des archives de la ville, des instances internationales, enfin, des récupérées par. Parce que ces congrès de la paix se sont continués, ont été continués, et donc. S'il y a des choses, elles sont, à mon avis, j'avais une piste qui avait l'air bonne, puis là, ça a l'air mais je vais peut-être essayer de reprendre ça. J'avais un peu laissé ça de côté parce que je me disais, oui, de toute façon, ça intéresse personne. Je me dis, bon, maintenant, finalement, je vois tout le monde parle de l'UNESCO, le machin, les organisations internationales. Bon, finalement, il y a des congrès de la paix aussi, pourquoi pas retravailler là-dessus. C'est peut-être pas aussi. C'est d'ailleurs pour ça qu'on va avoir une séance en mai sur la genèse de la conférence panafricaine. Voilà, essayer de comprendre comment ça se met en place, comment se retrouve à Londres, des gens qui viennent des États-Unis, de la Jamaïque, de France. Pourquoi tu fais ça à Londres, en plein cœur de. Pourquoi à ce moment-là, comment ça marche, comment ça circule, comment ils savent où il faut aller, comment ils se connaissent, d'où ils viennent. Enfin bon, il y a tout un tas de questions qui, comme ça, peuvent être intéressantes. Oui, non, ça, il y a une circulation qui est. Alors, c'est vrai que les Français ne sont pas les meilleurs pour parler de ces circulations. Ça serait une caractéristique de l'exil français, finalement. Parce que quand on voit pour certains congrès anarchistes, chaque fois, il y a les Italiens qui sont représentants des Argentins. Et du coup, j'ai l'impression, pareil encore, je reviens aux anarchistes, finalement, les anarchistes non français sont un peu plus détachés. De leur des questions politiques de leur pays. Ah oui, c'est sûr qu'on a, on a une situation qui est un handicap au global, difficulté à... C'est presque un contre-exemple. C'est presque un contre-exemple, et en même temps pas tant que ça, parce que parce que quand même ils ont aussi ce, enfin ils ont une autre peut-être vision, mais ils ont aussi un universel. Il y avait une expression, mais je l'ai perdue là, c'est que les Français ont toujours un penchant à retomber dans un universel chauvin, enfin je sais plus, mais qui est une bonne formule. Enfin, c'est-à-dire qu'on a, on est constamment dans l'universel. Enfin, le Français, il pense. La Déclaration des droits de l'homme. Mais qui est son universel. Mmh. Voilà. Mais qui est aussi un universel. Voilà, c'est comme ça. Mais sur lequel aussi, on a quand même fondé aussi beaucoup d'espoir. Enfin, on peut pas nous en. Enfin, il n'y a pas. Voilà, c'est que l'appel des autres peuples à cet universel français, il a quand même aussi fonctionné. Donc. Si les gens appellent Hugo, enfin si Hugo reçoit tous les jours quasiment des lettres de tous les pays du monde en lui disant qu'il faut absolument intervenir ça c'est intéressant. Ouais. Hein, et là c'est pas Hugo qui est demandeur, c'est les autres. Hein, donc je crois que ce jeu-là, ces effets-retours, pour le coup, ils sont très intéressants par rapport aux Français. C'est-à-dire qu'on leur demande aussi de jouer un rôle comme ça universel ça se retravaille aussi à l'intérieur donc des catégories qui se redéploient. Enfin, voilà, il y a un jeu comme ça qui est important. J'avais une question sur à un moment, vous définissez l'exil comme un lieu. Alors, je me demandais est-ce que finalement l'exil comme lieu, parce que finalement le pays d'accueil, vous dites bien que les exilés, dans votre livre, vous dites bien qu'ils refusent de louer un appartement plus d'une semaine, ils refusent de défaire leur mal, donc en fait ils ne sont pas dans le pays d'accueil. C'est-à-dire leur corps est dans le pays d'accueil, mais dans leur tête ils refusent. En fait, il y a un refus du présent, mais à la fois aussi de l'ici, quoi. Il y a un refus de l'espace. Oui, bien sûr. Non, ce que je veux dire, c'est que c'était un non-lieu, quoi. Oui, c'est un non-lieu. Moi, je pense que c'est un non-lieu, mais c'est vrai que quand on dit je suis en, enfin l'exil, il y a ces trois choses. C'est-à-dire il y avait l'idée que c'était une peine, que c'était un état plus qu'une situation juridique, et puis que quand on dit l'exil, c'est l'exil en France, l'exil, enfin, c'est qu'il y a quand même normalement c'est un lieu aussi. Enfin, c'est lié à localisation. Bon, qu'effectivement cette localisation elle est très problématique parce que il y a la distance par rapport à la France, par rapport à Paris, par rapport à un autre centre politique, que même des quartiers, enfin dans chaque ville il y a des quartiers d'exilés, des rues plus ou moins, donc effectivement c'est plutôt un non-lieu, c'est plutôt un nulle part, avec le jeu de mots sur le fait que on ne prend pas part à quoi que ce soit. Donc c'est Christophe, enfin, c'est tout ce qu'elle fait Christa Wolf, qui est aussi très, très marquée par ces séparations politiques. Et bon, je crois que. Alors, on pourrait. Je pense qu'il y a beaucoup de situations qui sont comme celle-là, mais je crois que celle-là produit beaucoup d'incertitudes sur lesquelles il faut essayer de. Qui font partie du politique. Et ça, c'est ce qui m'a peut-être intéressé aussi, toi aussi, j'imagine. C'est oui. Que. Bon, on n'est pas dans. On se retrouve partout. Voilà. Partout nulle part. Dernière question peut-être. Oui, s'il vous plaît. Alors je vais essayer de les définir en deux questions très courtes. Mm-hmm. J'aimerais savoir ce que deviennent. Est-ce qu'il est possible de penser la notion de landscape aux situations d'exilés et en même temps que de. Est-ce que vous avez essayé d'observer ou de repérer dans tout. Toute votre documentation, l'idée de reconstruction de territoires culturels symboliques. Alors ces territoires symboliques, vous avez, si vous voulez, il y a des territoires symboliques, c'est l'île. Il y a toute une déclinaison de l'insularité, insularité réelle. Avec la Grande-Bretagne et surtout les îles anglo-normandes, donc on est dans une île, et puis l'exilé est lui-même complètement dans une situation d'insulaire. Il y a un texte de Quinet où il pense effectivement, où il se présente comme seul dans une île. Enfin, il y a toute cette alors là, vraiment, on est autour de cette isolé dans une île, bon, insulaire. Bon. Donc il y a vraiment énormément de choses autour de cette question de l'île. l'isole, c'est la montagne aussi. Alors il y a effectivement se sentir au sommet d'une montagne. Donc c'est l'idée de la solitude. Enfin, c'est forcément des lieux de solitude. Donc c'est l'île et c'est la montagne. Très peu le désert en fait. Très peu le désert. C'est plus tard le désert. Le désert, c'est assez peu, oui, parce qu'il n'y a pas, parce que c'est pas quelque chose qui est une réalité ou enfin qu'on a pu penser. Donc ils n'ont pas de cet imaginaire du désert, ils ont assez peu, mais c'est la montagne, c'est l'île et ça transparaît dans toute la littérature d'exil. On a énormément de métaphores autour de l'eau, de ce qui est liquide, de ce qui est fluide. Bon, c'est les travailleurs de la mer, c'est une transposition. Vraiment d'une situation d'exil aussi. Hein. Donc il y a vraiment tous ces territoires comme ça qui sont des paysages. Alors liés aussi, il y a quelque chose qui joue énormément, qui est aussi très convenu, mais qui est intériorisé, c'est le brouillard. Des choses autour du brouillard, parce que c'est Londres, mais c'est pas que Londres, puisque ils peuvent très bien être en Espagne, ils parlaient de brouillard, alors qu'il n'y a pas du tout de brouillard, mais ça devient bon, une espèce de climatologie. Il y a toutes sortes de climat. Hein. Donc il y a un climat qui est toujours très très désagréable en exil. Et donc il y a des choses beaucoup autour de ça. Ça tourne beaucoup souvent autour de ça. Je raconte dans le Herzen aussi, il raconte, j'arrive à Londres, le brouillard, machin. Puis alors, il y a le traducteur qui dit, ça paraît quand même pas possible au mois d'août, machin. Mais peu importe, voilà. Si vous voulez, bon, c'est un topos. C'est voilà, vraiment... c'est vraiment dans les topoïtes complètement, donc et voilà, et donc on joue sur la connivence. Je m'étais beaucoup étonné par exemple de la façon dont tous ces exilés produisent un discours sur l'Angleterre, par exemple, qui est un discours complètement convenu. C'est-à-dire que très peu parlent d'une Angleterre industrielle ou de choses vraiment qui seraient très nouvelles. Mais en fait, parce que globalement, leur projet, d'abord financièrement, c'est-à-dire qu'on leur demande de faire des guides qui reproduisent ce qu'on sait déjà sur la Grande-Bretagne, et puis aussi, surtout, parce que eux-mêmes, le maintien d'une connivence avec le pays d'origine, c'est de maintenir les mêmes connaissances. C'est pas du tout de donner des connaissances nouvelle en fait. Alors ça va à l'encontre d'un reclus ou autre, mais il y a les deux phases en fait. Il y a vraiment produire du guide de voyage, mais du guide de voyage qui ne va pas du tout produire du neuf et qui va d'ailleurs dire aux Français qu'il faut absolument faire attention, c'est très dangereux d'être dans certains quartiers de Londres. Donc il y a une vision toujours très très voilà, très par rapport donc à la communauté française. Je fais ce que penserait un Français. Je me mets dans les. Je reste vraiment comme un Français serait. Donc voilà. Donc on produit pas forcément quelque chose, ou alors on coupe et on vient effectivement un voyageur complètement nouveau avec un œil neuf et qui veut absolument. Mais il y a un propos militant dans ces cas-là. Si on veut simplement avoir un propos qui est un propos, je veux dire, économique, on va raconter simplement. Que ce soit reclus ou d'autres, sont les premiers à faire les guides Johan, enfin les premiers guides touristiques de la Grande-Bretagne sont faits par les exilés, hein. Donc c'est eux qui produisent ce savoir formaté en quelque sorte sur l'étranger. Ça c'est aussi intéressant. Alors d'ailleurs leur premier Esquiros, enfin, qui est donc des exilés importants d'Angleterre, enfin, ouais. son premier biographe dans les années 1930 dit je n'arrive pas à comprendre comment cet homme, enfin, si vibrant, a pu produire un texte aussi insipide que ce guide touristique. Oui, non, on ne lui demande pas à ce moment-là d'être politiquement engagé. Et voilà, il s'intéresse à la géologie. Alors, parfois, il s'intéresse à des choses comme ça, à la géologie, à des choses nouvelles quand même. Mais c'est finalement souvent à la marge. Et le lieu, alors il y a un lieu mythique très important que j'ai oublié, qui est le British Museum. Le British Museum est un lieu central. Parce que il fait chaud et qu'on peut aller travailler toute la journée, bibliothèque, mais parce que c'est là où, d'après un certain nombre d'entre eux, il y a tout ce qu'on peut lire sur la Révolution française. Il y a énormément de sources sur la Révolution française. Donc en fait, à la British Museum, on ne va pas apprendre des choses sur la Grande-Bretagne, on va apprendre des choses sur nous. Hein. C'est quelque chose qui nous appartient, c'est notre territoire. Et donc, on va apprendre des choses sur la Grande-Bretagne. Et deuxièmement, on y voit aussi, et là, ça les trouble quand même pour certains, on voit des ouvriers. Il y a des ouvriers au British Museum qui lisent. Des vrais, tu veux dire? Des vrais ouvriers. Et ça, c'est vrai que c'est ce qu'on voit, c'est qu'il y a des ouvriers britanniques qui lisent et qui lisent justement des livres de biologie, de géologie. Donc il y a une culture populaire qu'ils voient, qui les étonne beaucoup. Alors ils ne font pas une démarche en disant qu'il faudrait la même chose en France, mais ils ont dit, bah, tiens, puisqu'il y a des ouvriers qui lisent ça, je vais lire. Enfin, donc on sent qu'ils vont shipper après le bout de le livre en se disant, tiens, mais pourquoi il y a de la géologie? Tiens, c'est intéressant. Bon, voilà, je caricature un peu, mais c'est le British Museum, on le trouve Valès, c'est pareil, Valès parle du British Museum, mais comme d'un lieu de sociabilité politique important pour les exilés, mais aussi un lieu où on apprend des choses sur la France qu'on a quittée. Est-ce qu'on apprend aussi des choses sur toutes les colonies? Ou c'est à cette époque-là, il y a déjà justement un savoir? Non, alors là, ils sont pas du tout, hélas pour moi, mais... Il n'y a pas beaucoup de colonies non plus. Il n'y a pas beaucoup de colonies, voilà. C'est l'Algérie, et il n'y a que l'Algérie pour eux. Enfin, il n'y a que l'Algérie. Pour l'Angleterre, voilà, sur les colonies britanniques. On est en 1805, on est quand même assez tôt. Il n'y a pas beaucoup. Donc, c'est même pas l'Inde. Ouais. L'Inde n'est pas encore britannique. Oui, elle est. Tout juste, mais. Oui. C'est à moins de ça, il faut attendre quand même. Non, mais j'ai pas vu de choses sur ces éléments-là. Alors qu'à ce moment-là, que se crée. Alors, paradoxalement, c'est quand même tout le moment où on va commencer à déporter des gens plus loin, à essayer de penser la déportation coloniale. Donc on crée des lieux, la Nouvelle-Calédonie et autres, qui vont commencer à devenir des lieux de qui dit éloignement va dire colonie, va mettre en place les deux. Mais par rapport à l'Algérie, c'est vrai que c'est pas très riche, quoi. Ils sont pas une vision très... très passionnante de la... Dans l'Australie, il était très... Oui. Mais un lieu de déportation. Et on n'a pas... Alors, il faudrait retravailler, mais vous voyez, c'est vraiment des choses qu'on commence à peine à travailler. C'est-à-dire que sur la Grande-Bretagne, on sait l'importance qu'ont eu les chartistes envoyés dans les colonies pour les éloigner. On a eu cette pratique d'éloignement des chartistes, des militants chartistes en Grande-Bretagne. On les a envoyés en Australie. Et on sait que ça a eu un impact politiquement, localement important. Alors il faudrait faire le même travail, mais il n'est pas encore fait pour la France, pour voir si le fait d'avoir envoyé comme ça des gens quand même en Algérie, à Cayenne ou autre, a produit... alors Louise Michel, c'est... Oui, alors, il y a Louise Michel, mais bon, c'est un cadre particulier. C'est un territoire et c'est une temporalité précise. Est-ce qu'il y a d'autres situations de circulation? Est-ce que ça a produit des contacts vraiment avec les populations en dehors de ces cas-là? C'est des travaux qui ne sont pas du tout menés pour l'instant. C'est vrai qu'on a, on est vraiment. Ça me pose un problème plus général pour une génération, c'est qu'on est quand même beaucoup dans ces travaux sur du décalque de ce qui se fait par rapport à un monde britannique. Alors là, je l'ai fait en m'amusant pour Hugo et autres, et c'est pas inintéressant, mais en même temps, là, si on commence à s'engouffrer dans cette chose-là en disant « Ah, on va faire comme les... Ah, en Australie et autres, ça joue un rôle. » Est-ce que pour la... Bon, on rentre dans des problématiques qui ne sont pas les nôtres forcément au départ, par rapport à des populations qui ne se pensent pas de la même manière non plus. Il y a peut-être des équivalents structurels qui sont plus pertinents et qui ne sont pas directement... Qui ne sont pas des homologues, mais qui sont des équivalents structurels et qu'on pourrait essayer de... penser là comme ça, j'ai pas d'idée. Donc c'est stimulant et en même temps par moment je me dis bon, est-ce qu'on fait pas fausse route à être comme ça dans un rattrapage de problématiques qui sont pas forcément les nôtres, mais ça c'est vraiment des questions plus générales que pose cette question du global, je crois, qui sont pas inintéressantes non plus. En tout cas, merci de nous avoir amené à nous poser ces questions et d'avoir accepté de te les poser pour nous également. Donc, merci beaucoup. Et donc, la prochaine fois, nous voyageons encore plus loin. Nous irons à Java. J'avais envie, là, mais j'ai pas eu le temps de le faire. Je voulais mettre un mail à la grande spécialiste maintenant des Hugoliens en lui disant, écoute, est-ce que tu veux pas qu'on fasse un colloque global Victor Hugo? Eh bien, pourquoi pas? Global Hugo. Global Hugo. Et je sais pas du tout. Je pense que je sais pas du tout si en littérature ils sont branchés là-dessus. Ça me faisait rire. Je me disais, soit elle va carrément me dire, mais ça va pas du tout. Et exil est, ouais, exil est global. Ah oui, non, là, exil est... Il peut y avoir. Il peut y avoir des choses. Global niveau, je sais pas. Bien, donc, rendez-vous le 1er février.